CFOU 89.1, la radio des étudiants de l'UQTR. C'est fou, 89.1. Le plan de cette semaine à Assemblage requis. Marie-Laurence Audet sera de retour avec sa chronique Le loisir bien plus qu'un jeu. Mathieu Roy nous parlera d'humour dans son segment Mathieu Roy Bajois. Et notre chronique maison, comme c'est un fait, non chronique maison, il y en a plusieurs. Et les esprits d'assemblage, tout de suite à Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis pour la semaine du 26 mai 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Ah, oui, mais c'est vrai, toi, tu prends celui-là, toi. Oui, moi, je prends le 5. C'est ça, ça dépend des Moi, c'est Jean-Philippe Chabonneau. Hey, salut. Les oiseaux se sont vraiment ennuyés de toi. Oui, je sais. Ouais. Les requins aussi. Moi, non, par contre, parce que moi, je suis un grand indépendant. Je me sens pas du tout absolument seul au monde dans ma vie professionnelle et personnelle. Oh. Mais pas du tout. Tu sais, je fais pas du tout pitié. D'habitude, t'écoutes les oiseaux tout seul. C'est ça. D'habitude, ben, ils me tiennent compagnie. Est-ce qu'ils te réveillent la nuit, le matin? Ça arrive, mais ils me font un petit nid. OK. Puis ils me couvrent. Là, je pense que je mélange les poules et les oiseaux. Peut-être. Je suis pas très bon en animaux. Donc, bon, rebonjour à toi. Oui, ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Oui, ça va très bien. Yeah. Oui, on va passer les deux prochaines heures au moins ensemble. Oui, minimalement. Minimalement, voilà. On va avoir aujourd'hui à l'émission Mathieu Roy. C'est avec Mathieu Roy Bajois. Oui. C'est sûrement... C'est qui l'a trouvé? Lequel des Mathieu l'a trouvé, celle-là? C'est moi. C'est un nom temporaire. Je suis content qu'il a trouvé meilleur. OK. Ça sera... Est-ce que ça va être évident ou pas évident à trouver meilleur? C'est assez facile, je pense. Les oiseaux pourraient te murmurer quelque chose de meilleur que ça. Alors, voici avoir Marie-Laurence Audet. Tu te rappelles Marie-Laurence Audet? Oui. Elle faisait une chronique, Le loisir bien plus qu'un jeu. Elle est de retour. Elle va être aux deux semaines à partir de cette semaine. Génial. C'est en tout début d'émission, tantôt dans une vingtaine de minutes. Parfait. Juste le temps de faire C'est un fait avant ça. Et après, entre elle et Mathieu Roy, il y aura Sexmas, ça devrait répondre là. Génial. King Sexy Time. Ah oui. Je garde tout ça pour toi. J'essaie de mettre le plus d'affaires possible dans lesquelles tu es bon. Ben, parfait. Et que tu passes des bons commentaires. D'ici la fin de l'émission, j'ai prévu une petite une nouvelle chronique. Vous me direz encore une nouvelle chronique, mais tu fais jamais celle que tu as introduite il y a quelques temps. Mais bon, j'ai la nouvelle chronique, le puisard du hasard. OK. C'est le puisard du hasard. Donc, on dit des chiffres aléatoires. C'est ça. Pour votre prochain billet de l'auto. donc, on va faire ça, j'espère, avant que tu t'en ailles. Je vais essayer. Mais si on veut commencer l'émission et avoir le temps pour Marie-Laurence dans 20 minutes... On est mieux de sortir ça là, là. Je pense que oui. Pour accompagner ton retour à l'émission, je t'ai préparé un petit peu de Chad Van Galen. Ah, t'es gentil. Qui demandait... Where are you? Où êtes-vous? Si près, mais en même temps si loin. C'est ça, dans le bureau de chaque côté. Ben oui. En réunion. Et voilà. Yes. Chad Van Galen. Where are you, hein? Where are you? T'es où? Ta tête est où, Jimmy? Je sais pas. Puis, c'est bon, je l'ai ouvert, là. Je l'avais. Ta tête est en réunion, je pense. Ton corps est ici. Mais c'est ça, c'est pour ça. Le son, il sort d'où si j'ai pas de tête? Ça dépend de tes branchements, je pense. Je sais pas trop quoi, ça dépend. Donc, vous êtes à l'Assemblage Requis. La première chronique sur le bar, c'est tout le temps, c'est un fait. Donc, allons-y, chantons tous ensemble la chanson thème. Et là, maintenant, je vais avoir quelqu'un avec qui la chanter. T'sais, c'est tellement gênant de la chanter seule. Je vais même siffloter. Ah oui! OK, parfait. Les oiseaux vont t'aider, OK? Parfait. C'est cool. Voici, c'est un fait. Des choses que c'est pas, c'est un fait, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. Ah. Il m'a manqué la première phrase. Ouais, mais c'est pas grave. Non, ça va. On a entendu. C'est la fin. Il restait encore 20 secondes à la chanson d'avant. Pour elle? Oui. Elle finit pas. Elle finit pas. Donc, c'est un fait, la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables selon Internet. On va aller avec une rafale de faits pour commencer. Les otaries vont ramasser leurs pierres préférées, leurs roches préférées, et vont les mettre en dessous de leurs bras. Leurs petits bras. Mettre leur... Oh, mais c'est mes roches. C'est ma collection de roches personnelles. C'est cute, hein? Oui. J'aime ça. Michael Caine, l'acteur, a été nominé pour un Oscar au moins une fois dans chacune des 5 décennies les plus récentes, donc les années 60, 70, 80, 90 et 2000. Wow! Pas encore des 2010, si je comprends bien. Donc, on se croise les doigts pour Michael Caine. Un hippopotame. Un hippopotamus. Un hippopotamus peut ouvrir sa bouche assez grande pour pouvoir mettre un enfant de 4 pieds à l'intérieur. Ah! On aurait pu aussi juste dire de 4 pieds. Oui, c'est mais ça. Il faut vraiment préciser qu'on pourrait mettre un enfant. Oui, c'est ça. C'est la comparaison. Al Pacino. Tu connais? Le restaurant italien? C'est ça, il y a un bar à pain. Al Pacino. Wow. C'est parfait. C'est exactement là où je m'en allais, Mathieu. Donc, oui, son bar à pain ne devait pas être très, très long, hein, parce qu'on l'appelait souvent le nain Pacino. Ah. Ça, c'est les producteurs du Parrain de 1972 qui l'appelaient comme ça. Ils ne voulaient pas de lui pour le rôle. Donc, les producteurs ne voulaient pas de Al Pacino pour le rôle. Donc, ils le traitaient de nain Pacino. De nain Pacino. C'est un 6 pouces, je pense. On aurait pu le mettre presque dans le bouche à la bouche d'un hippopotame. Al Pacino, Pacino, ça, je suis pas capable de faire. Ah ouais, non. C'est le mieux qu'on pouvait faire, tu l'as fait. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Jack Nicholson s'est fait demander, lui et Dustin Hoffman, ainsi que Warren Beatty. Est-ce que c'est un spécial artiste? Ça ressemble à ça. Ouais, ça dépend des fois. Okay. Aux heures et spectacles. Oui. Donc, Jack Nicholson, Dustin Hoffman et Warren Beatty se sont fait demander de jouer le rôle de Michael Corleone dans Le Parrain, justement, en 1972. Okay. Donc, c'était à Al Pacino que le rôle est allé, mais on l'a demandé à tous ces acteurs-là. Eh ben. Qui ont tous refusé. S'il y a une définition de mot pour toi, et je vais essayer de le prononcer correctement. Enschussnibalwerfer. Enschussnibalwerfer. C'est de l'allemand. Ah oui, OK. Enschunchi. Enschunchi. Enschunchi. Enschunchi. Ça, c'est une question. Ah ouais. Enschunchi. OK. Puis après, tu sais. Ball. Ball. Ben là, tout le monde sait c'est quoi. C'est ball. Ça. Werfer. World of Warcraft. Ouais, c'est ça. Non, Mathieu, celle-là est vraiment trop difficile. C'est du slang, en fait. Donc, c'est encore du langage de rue allemand pour une mauviette, un froussard, quelqu'un qui a peur quelqu'un de qui a tout. Pas de ball. Qui a pas de ball, exactement. C'est le mot du milieu. Exactement. Faut tout le temps regarder dans le milieu de oui, tout. Comme quand tu regardes un humain. Donc, c'est quelqu'un, littéralement, la traduction de Anschussnibalwerfer, c'est quelqu'un qui porterait des gants pour lancer des balles de neige. C'est ça l'image derrière la chose. Okay. Tellement mauviette que tu mets un gant. Nous, on a le bonnet d'âne. Eux, ils ont les gants pour les balles de neige. Voilà. À chacun son truc. Anschussnibalwerfer. Le prénom de Keanu Reeves, on entend tout le temps Keanu Reeves, mais en fait, ça se prononce pas comme ça. Non, c'est plutôt... c'est prononcé Keanu. Keanu? Keanu. C'est bien, hein? Et non pas Keanu, c'est Kay. Keanu. Précédemment, dans sa carrière au cinéma, il portait le nom de Casey Reeves. K, la lettre K et la lettre C. Mais là, ça ressemblait trop au restaurant. Casey's Reeves. Casey's. Casey's Reeves? Hein? Non, mais Reeves, non, mais Casey's. Casey's. Les restaurants. Les restaurants Casey's. Ah ouais, on n'a pas les mêmes références. Non. Montréal, Québec? Je sais pas. Casey. Il y en a partout. Casey and the Sunshine Band, ça, il y a ça. Ça doit être ça. Ça doit être plus ça, non? Ou le Parcheesi. Il y a un art martial, le singulier d'art martiaux, qui est spécifiquement basé sur le combat de gentlemen avec des cannes. Donc, on se bat avec nos cannes. Oui. Et des bâtons de marche aussi, mais des cannes. Oui. Pour les aveugles, peut-être aussi. Pour les vieilles. Voilà. Le record du monde pour le plus de push-ups fait non-stop, c'est combien selon toi? Non-stop, là, sans aucune pause. Sans aucune pause. OK. Moi, je dis que le gars, il s'est rendu. Ben, ça doit être un garçon. Je te dis pas, mais ouais, sûrement. Ça doit être 1000. Dans le 1000. Est-ce que je l'ai dans le 1000? Non, c'est pas dans le 1000 du tout. C'est plus? T'as pas surbidé au moins, mais c'est pas mal plus que. 10 000. 10 000? T'es encore correct, t'as pas surbidé, tu gagnes encore. Est-ce que tu vas augmenter? 13 000. Ah là, t'as perdu! Bon. 10 507. T'aurais pu te rendre jusqu'à 10 500, je t'aurais donné le point. Bon. Mais bon, trop tard. Il y a un sport extrême qui s'appelle le repassage extrême, Extreme Ironing, où les gens vont à des endroits éloignés, étranges, des endroits difficiles à atteindre pour faire du repassage de vêtements. Uh-huh. C'est intéressant. Oui. Extreme Ironing, allez voir les vidéos de ça. En plein milieu d'un volcan. Vraiment? En éruption. Ah oui. Ah oui, c'est chaud. C'est chaud. Les écureuils sont très gentils, en fait. Je sais pas si tu savais ça. Ils vont même des fois adopter des écureuils orphelins s'ils remarquent que leur famille n'est pas revenue le chercher. Mm-hmm. C'est cute. Très cute. En 1908, Forrest Smithson a compétitionné aux Olympiques d'été en la course à obstacles. Il faut sauter par-dessus les obstacles avec une bible dans sa main. Ça ne nous dit pas s'il a gagné ou s'il a perdu. Oui, malheureusement. Peut-être qu'il aurait pu se faire accuser de tricherie. Peut-être. Oui, c'est la main de Dieu qui le prend et qui le soulève. Injuste. Injuste. Mm-hmm. Les universités japonaises, en fait, font des commémorations, des memorials, genre, où les gens peuvent se présenter, pour les animaux qui meurent lors des tests en laboratoire. Donc, ils ont une petite pensée pour eux. Pensée, c'est cute. Pittsburgh est la seule ville américaine qui a trois équipes sportives qui portent les mêmes couleurs. Les pingouins. Pittsburgh. Penguins, ouais, on va aller voir les couleurs noir des pingouins. Blanc. Noir et blanc. C'est classique quand même, hein? Ouais, c'est ça. Pittsburgh. Comme ça, les gens qui l'écoutent avec des vieilles télés, eux, ils s'en rendent pas compte. Les skinny pigs, c'est une sorte de cochon d'Inde qui n'ont pas de fourrure. OK. Ouais, donc ils devraient... Juste de la peau. Juste de la peau. Ils devraient porter du FPS 50. quand il fait soleil dehors, apparemment. C'est ce qu'on dit. Ah, OK. C'est ils recommandent. Okay. Oui, ils recommandent ça. je m'en vais... On va beurrer mon cochon d'Inde. C'est, c'est un oui. bon euphémisme pour dire que tu t'en vas faire. Oui. Que tu t'en vas avec ta. Oui. Puis dans ton. Oui. C'est ça, sur ton. Dehors. qu'est-ce qu'un brain sucker en anglais? Brain sucker. Ça, c'est quelqu'un qui prend toutes les informations que tu lui donnes pour les répéter après. C'est quasiment ça, en fait. C'est quelqu'un qui va prendre le crédit pour du travail intellectuel que les autres ont fait. Mm-hmm. Mathieu, je dois t'avouer que je fais ça avec Assemblage Requis. Ah, pas de corps. Les souvent, je me souviens de trucs. Je suis là, ouais, savais-tu que tes écureuils sont gentils? Ah! Ils adoptent des écureuils orphelins. Ah, puis les otaries, ils se mettent des roughs dans les bras. C'est ça. Ah, c'est le fun. Ouais, ça retombe toujours. Ça starte un bon souper, ça. Ça tombe à point tout le temps. Ouais. Comme un poêle de poche à la soupe. un cheveu à la soupe. Oui. Un ou l'autre. Hein. Ben, les deux sont bienvenus. Non, okay. Le seul mammifère qui n'a pas de cicatrice ombilicale, on parle donc d'un nombril, comme diraient les Français, sont l'ornithorynque et j'ai oublié de chercher Echidna. Ça, c'est un genre de porc épic, si je me rappelle bien. Il y a un nom en français pour ça. Attention, ça s'en vient. Un échidné, c'est exactement ça. C'est une sorte d'écureuil. OK. Comme le Sonic, le Hedgehog, c'est un échidné. Eh ben, les chimpanzés sont d'excellents fabricants d'outils. Ils construisent des outils. On les a vus en train de fabriquer... Des steels. Non, des guns. Non, non, non, ils font pas ça. OK. Juste des petites flèches. Là. OK. Pour tuer des galagos, ça, c'est d'autres sortes d'animaux, qui se cachaient dans les arbres la nuit. Donc, ils fabriquaient des armes, des flèches pour les tirer. Eh bien... Ben, j'imagine qu'ils font encore aujourd'hui. Les étudiants qui étudient, hein? Oui. C'est quand même. Ils se font de plus en plus rares. Oh! Crow, c'est une corneille, hein? Corneille. À l'Université de Washington, donc les étudiants qui étudient les corneilles à l'Université de Washington portaient des perruques et des masques parce que les corneilles se souvenaient de leur visage et commençaient à les harceler. Ah ah! Ça, ils sont pas gentils comme les écureuils, eux autres. Non. Parce qu'on se fait harceler. J'essaie de faire une toune de corneille. Oh, wow! Oh! On se fait picosser. Aïe, aïe! Ça laisse des taches, un peu comme un corneille avec son maquillage dans le temps, un gala qui avait laissé des taches sur la face. De... Quand il était... ouais, ça, c'est de mauvais goût. Quand il était enfant, Jim Carrey portait des souliers de claquettes pour aller se coucher, juste au cas où ses parents avaient besoin de se faire remonter le moral pendant le milieu de la nuit. Il portait des claquettes. Ah ouais, il est bien drôle. Il est divertissant. Oui, très. Il adaptait des écureuils. En Australie, à la fin des années 1800, s'asseoir à l'intérieur d'une carcasse de baleine. On disait que ça allait être une cure contre les rhumatismes. Ouais. Oui. T'as-tu déjà vu la baleine qui explose? Hey, mais ça. C'est peur, hein, ça? C'est incroyable. Je sais pas. C'est sûr que ça guérit tes rhumatismes. Là. Après ça, t'as tout ça dans le nez. Ah! Des rhumatismes, ça, c'est-tu quand Frédéric Lerue... Non, ça, c'est un gag inside. On va laisser tomber ce gag-là. Mais il y a déjà des présidents de loger, les gens connaissent quand même. Donc, les vaches vont... les vaches vont donner... Vaches étaient vraiment super bonnes pour ceux qui en comprennent. Les vaches vont donner 3% plus de lait lorsqu'on va leur jouer de la musique lente. Ouais, oui! Donc, leur playlist devrait comprendre Everybody Hurts de R.E.M., entre autres, c'est ce qu'on nous suggère, et Perfect Day de Lou Reed. Ah! Everybody hurt! je connais pas celle de Lou Reed, malheureusement. Non, moi non plus. J'espérais que t'enchaînerais. Non, si seulement. Certaines pieuvres vont manger un de leurs bras lorsqu'ils vont être exposés à des situations stressantes comme des rhumatismes. L'Université de l'Oregon a fait du plagiat dans leur section sur le plagiat dans le livre d'instruction pour les étudiants. Ah non. Tire sur un petit cahier, genre du parfait étudiant. Ils ont copié la section sur le plagiat de l'Université Stanford. Oh. On parle donc de l'Université de l'Oregon. C'est vraiment... C'est fort. C'est pathétique. Ouais, c'est plate. C'est vraiment plate. à New Rome, en Ohio. Ça a l'air que la personne qui a fait ça s'est mangé le bras au complet. La pieuvre? Oui. Il vivait une situation stressante. Exactement. À New Rome, en Ohio, c'est une petite ville avec seulement 60 résidents et 14 officiers de police. Ils vont ramasser environ 400 000 $ par année sur les billets de contravention de vitesse pour les voitures. Il y a 60 résidents, 40 policiers, 400 000 $ de facture. Incroyable. C'est les gens aiment ça. Indomptable. Si t'as pas de dette... Et là, t'es au Royaume-Uni. Maintenant, si t'as pas de dette et que t'as 10 livres, on parle d'argent, dans ta poche, t'es plus riche que 25% des Américains. Donc, on peut faire la conversion, j'imagine, en dollars canadiens, sûrement environ 10 $. Si t'as 10 piastres dans ta poche en ce moment et que t'as pas de dette, t'es plus riche que toi. Mm. Et pour terminer, la même personne a fait la voix de Yoda dans Star Wars, Miss Piggy dans Les Muppets et Cookie Monster dans Sesame Street. Ouais. Son nom est Frank Oz. C'est la même personne qui a fait ces trois voix-là. Miss Piggy, c'est une fille. Oui. Bon. Il est aussi responsable pour la grammaire de Yoda dans Star Wars, donc c'est lui qui a déterminé qu'il allait parler à l'envers, que ses phrases allaient être... Ah ben? À l'envers. À l'envers. Comme certains dire. À tort. Ouais, voilà pour ce bloc, c'est un fait. Wow. Cool, hein? Oui. D'après moi, on va en faire d'autres tantôt un petit peu. J'ai envie d'en faire d'autres. Tantôt, on va aussi avoir Marie-Laurence Audet et sa chronique magnifique. J'imagine que c'est encore le loisir bien plus qu'un jeu, donc on va continuer avec ça tantôt, avec Marie-Laurence. Pour l'instant, une petite chanson de Mordicus. Mordicus? Ouais. Parfait. Ouais, ça doit, ça. Aussi, ouais, c'est-tu ma grande gueule? Moi. Ouais. T'es un vrai devin. Un vrai devin? Ouais. Un vrai de vrai. Ouais. Vous êtes ensemble à jouer. Dans ma grande gueule, tu peux parquer ton char, j'ai ta place en masse. Dans ma grande gueule, toute la planète peut y prendre place. C'est là. Découvrir un autre univers. Dans ma grande gueule, on fait un voyage interplanétaire. C'est là où l'irréel devient réel. Autour des temps, kaléidoscope, où mon esprit ouvre ses portes. C'est qu'océan, les six continents. Dans ma grande gueule, tout est en 3D, tu peux participer. C'est là où l'irréel devient réel. Où tout est un kaléidoscope. Où mon esprit ouvre ses portes. Au retour, on décore ta vie intérieure, extérieure avec Marie-Laurence Audet. Elle a, a décoré sa peau extérieure et rendu plus foncée qu'elle était, je trouve, Marie-Laurence. Peut-être son voyage à Cuba. C'est peut-être pas elle pour de vrai. Peut-être. Oh! Huh? C'est the dark side, Marie-Laurence. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Toujours à Assemblage Requis avec Jean-Philippe Chabot et Mathieu Plante. Oh, mais hein, ah, c'est le fun. C'est rare, c'est nouveau en fait qu'on a une chronique en première partie d'émission, tu sais, avant genre super tard dans l'émission. Mm-hmm. C'est Marie-Laurence Audet qui est de retour parmi nous. Voici le loisir bien plus qu'un jeu. Salut Marie-Laurence Audet. Bonjour. Ça va? Ça va bien, vous? Ah oui. On a dit tantôt que tu avais un teint plus basané, je sais pas trop quoi. On dirait c'est que l'éclairage. C'est l'éclairage en studio, c'est ça qui a pas changé, mais bon. Ouais. Je pensais qu'on était à télé. Fait que. Son phare, ça fait ça, oui, ça, ça fait une heure. Bon, donc, le visuel est. On se réussit du visuel. Allons-y avec l'auditif, plus pour tout le monde. Donc, tu es de retour avec ta chronique sur le loisir. Exactement. En général, loisir qui peut toucher vraiment tout plein de sphères dans le loisir, n'est-ce oui, pas? Oui, puis je profite du retour de l'été pour aborder un autre aspect qu'on n'avait pas abordé depuis le début. En fait, je vais vous parler du côté plus. On entend beaucoup le développement durable, l'écologie, les projets verts. Alors, la chronique d'aujourd'hui s'intitule Les initiatives paysagères inspirantes. En fait, c'est avec les différentes. Je fais des recherches. Bon. Puis avec le réseau de veille en tourisme, avec les bulletins de l'Observatoire québécois du loisir qui abordaient cet aspect qu'on entend beaucoup parler, qui fait beaucoup la une. Donc, ce que je vais aborder avec vous aujourd'hui, ça fait suite à un congrès qui s'est tenu en avril dernier, donc au Centre des sciences de Montréal. Puis c'était le congrès de l'Association des architectes paysagistes du Québec. Donc, c'est vraiment l'aspect aménagement paysager que j'aborde aujourd'hui, mais que je vais vous parler qu'est-ce qui est en lien avec le tourisme, avec le loisir, comment ils réussissent à aborder cet aspect-là. Cool! Donc, souvent, on entend parler de l'art contemporain, on entend parler de l'agriculture urbaine, puis des recyclages de sites industriels qui sont plein d'aspects qu'on peut aborder de l'aspect loisir. Il y a un groupe de personnes qu'on appelle les urbainculteurs qui ont parti à un organisme. Cet organisme-là, elle a comme but, par souci environnemental, pour favoriser la consommation des produits frais locaux, sans agents de conservation et tout, de trouver des solutions pour cultiver en ville. Donc souvent, on imagine beaucoup, pas l'aménagement, mais l'agriculture pour un aspect de région. Alors qu'eux, ils se disent, les gens en ville sont concernés par cette réalité-là. On peut continuer de faire de l'agriculture, mais comment on peut l'adapter aux différentes réalités urbaines? Donc, les urbainculteurs se sont posés cette question-là. Ils ont mis en place cet organisme-là. Ils ont développé plusieurs formes. Ils ont mis en place des potagers pour des entreprises d'organisation d'événements et tout. Donc, eux, ils se rattachent à différents événements qui rassemblent des gros bassins de personnes. Ils voient comment ils peuvent amener l'aspect vert, que ce soit des fois en ayant des arbres sur le terrain, que ce soit les bacs à fleurs qui soient aménagés différemment et autres. Mais des fois, parce que l'aménagement urbain, là, des fois, c'est un contenu, puis des fois, c'est un contenant dans un événement. Donc, on peut rassembler les gens, comme par exemple au Jardin botanique, pour dire « Regardez, notre produit, c'est l'aménagement urbain, c'est des plantes, si, c'est ça. » Mais on peut se servir aussi de ça comme ce qui entoure quelque chose qui rassemble les gens. Par exemple, un festival de musique, mais avoir mis de la verdure dans la place ou avoir initié par différents kiosques publicitaires et autres les gens à l'agriculture urbaine. Donc, je vais vous donner quelques petits exemples qu'ils ont mis en place. Avec l'Hôtel du Vieux-Québec. Vous connaissez l'Hôtel du Vieux-Québec? Mmh. Oui, c'est dans le Vieux-Québec. je pense qu'on peut y dormir, c'est l'hôtel, je pense. Oui. Oui. Eux, ils ont fait un peu la même réalité que l'Hôtel K ici à Trois-Rivières. Donc, ils ont mis des potagers sur le toit de l'hôtel où est-ce qu'ils sont allés chercher des ruches. Puis, ils servent de. Vous connaissez la réalité qu'il y a eu à l'Hôtel K? Oui, j'ai entendu parler des ruches, oui. Bien, dans le fond, c'est qu'ils vont chercher. Ils mettent en place des ruches, ils vont chercher les abeilles qui, eux, vont polliniser et aller chercher. Ils vont prendre. Attends, je vais essayer de l'expliquer clairement. Les abeilles vont polliniser et prendre l'aspect verdure qu'ils vont ramener dans la ville. Bref, il y a un côté régional. J'essaie de l'expliquer clairement. Okay. On est, On essaie de ramener la verdure en ville, on essaie de ramener les plantes, malgré qu'on est beaucoup entouré de béton à travers l'aspect urbain. Oui. Donc, à l'Hôtel du Vieux-Québec, ils ont fait un peu le même principe. Ils ont produit des récoltes, ils ont mis des potagers en place, l'aspect des ruches sur le toit de l'hôtel. Puis, il y a eu une collaboration entre le directeur, les employés et des restaurants partenaires pour autour de cette réalité-là. Le toit vert, il permet de conserver la fraîcheur du bâtiment en été puis de capter les eaux de pluie. Donc, encore une fois, des aspects naturels qu'on met de l'avant. Deuxième exemple, l'auberge Place d'Armes de Québec. Encore une fois, à Québec. À Québec. Oui, beaucoup de choses qui se passent à Québec. Donc, ça donne sur un petit toit plat de l'auberge. Puis, ça a fait en sorte qu'on a mis de la verdure dans la place, puis qu'il y a deux chambres de l'auberge qui donnent... Ben, c'est déjà un début, là. Ils vont en faire plus. Mais que ça donne une vue sur le jardin fleuri. Donc, ils ont mis en place, à l'extérieur, en bas de l'auberge, potager, jardin. Autant ça donne un aspect intéressant visuel que quand tu te promènes sur le... pas le campus, là, mais le terrain de l'auberge, tu peux aller chercher de l'ombre à travers ça, mais tu te sens aussi un peu avec un côté nature à travers la ville. Troisième exemple, les Francofolies et le Festival international de jazz de Montréal qui, eux, ont différents kiosques à travers leurs événements. Puis, ils ont mis en place des kiosques d'aménagement de plantes comestibles, des arbres fruitiers pour conscientiser, dans le fond, et sensibiliser les gens, les festivaliers, au jardinage et à l'agriculture urbaine. Comment ils peuvent implanter cette notion-là chez eux? Comment ils peuvent travailler ça? Parce que souvent, les gens, c'est qu'ils ne connaissent pas ou ne comprennent pas. Donc, des fois, juste de les informer va faire en sorte qu'ils vont le mettre en place dans leur quotidien, si on veut. Et il y a d'autres... 5 gros aspects que je vais parler avec vous concernant les initiatives paysagères aujourd'hui. Premièrement, on veut sortir l'art des musées. Donc, ça, c'est une réalité qu'à Montréal... On n'est plus à Québec. À Montréal, il y a le Festival Art Souterrain, qui est en fait sous la terre, en souterrain. Et là, on sert de l'aménagement paysager comme un à côté au contenant principal, au contenu principal. Donc, les gens viennent exposer des toiles. C'est une présentation pour des artistes, des fois émergents et autres. On met une petite ambiance, là. On n'est pas exposé ni dans un musée, on n'est pas exposé ni à l'extérieur. Vraiment, là, on s'en va dans le souterrain, dans l'émergent, dans le underground de l'art. Sauf qu'ils ont fait sur tout le réseau piétonnier du tunnel. Ils ont mis en place de la verdure, ils ont mis en place cet aspect-là naturel. Oh, donc, cool. Eux sont allés le chercher comme ça. Puis comme il y a un nombre très important de personnes qui circulent là, ça donne une visibilité et tout. Donc, voilà. Ça met de la vie. Il y a autant une possibilité pour les artistes culturels dans cet événement-là que pour les artistes d'aménagement paysager. Donc, on a 2 sortes d'artistes. Un autre aspect que je voulais aborder avec vous, qui était de créer des espaces rassembleurs. Donc, on a des compagnies qui proposent des aménagements événementiels hors de l'ordinaire, qui servent de la création, de l'innovation, de l'esprit de communauté, pour mettre en place cet aspect original-là de verdure. Donc, je vais vous en parler de 2. Le conteneur des sucres, qui est une cabane à sucre, qui, eux, ont choisi non seulement d'avoir les produits de l'érable, de mettre l'avant l'ambiance avec les nappes carottées, puis tout ce qui est en bois, puis l'aspect bûcheron, mais eux, ils ont développé aussi un aspect de verdure, un aspect de nature à travers ça, malgré qu'ils ne sont pas situés ni très loin en région, ni en plein centre-ville, mais ils voulaient garder cet aspect-là naturel. Il y a aussi le quartier de Noël, qui est là où il y a les sapins de Noël, il y a emballe les cadeaux, les ateliers du personnel. Et du Père Noël. Du personnel. Non, l'atelier du Père Noël, les sapins, les cadeaux, toute cette ambiance-là. On voulait garder un côté nature qu'on est allé chercher. Là, c'est pas juste la verdure, c'est de la blancheur. Mais on va chercher un côté d'aménagement paysager qui fait toute la différence dans l'ambiance de cet événement-là. Autre le fait qu'on a voulu sortir l'art des musées par les tunnels souterrains, qu'on a voulu créer des espaces rassembleurs en utilisant cet aspect naturel-là, on parle aussi de recycler le patrimoine industriel. Donc, on a des architectes paysagistes et des urbanistes qui, eux, sont des spécialistes reliés à l'aménagement qui font affaire avec différents événements. De plus en plus, ça crée des équipes multidisciplinaires, que ce soit par le tourisme, par le loisir et tout. Ça fait équipe pour connaître autant les besoins de la clientèle qui est visée par l'événement pour vraiment adapter l'ambiance. Parce qu'on a vu à travers différentes chroniques aussi que j'avais abordé que l'ambiance peut faire toute la différence aussi pour aller chercher la clientèle qu'on vise. Parce que c'est aussi l'aspect qui les gens peuvent pas voir de chez eux, de leur ordinateur, de leur télévision. Pourquoi ils devraient sortir de chez eux pour se rendre jusqu'à ton événement? C'est par l'ambiance que tu crées, qu'on avait dit, soit par les thématiques, soit par les besoins et tout. Mais l'ambiance, c'est aussi l'aménagement paysager. Donc, l'aspect qu'on peut toucher le développement durable et qu'on peut mettre une belle petite ambiance naturelle. Ce qu'on remarque pas nécessairement, mais qui paraît, si tu l'enlevais, ça aurait l'air... Exactement. Pareil, ouais. Puis de mettre aussi de l'avant cet aspect-là, tu sais, de végétal, de nature et tout, ça rappelle aussi le côté historique des fois des différentes villes qu'on va chercher parce que les villes se sont industrialisées, là on a mis de l'avant le béton, puis on a tassé toute la verdure en région, mais de la façon que les villes ont commencé, un peu comme quand on sert du musée Borealis ou du vieux port, mettons, de Trois-Rivières, c'est de remettre de l'avant l'historique de comment ça a commencé, mm-hmm. ces aspects touristiques-là, mais on était en pleine nature, on était dans le côté région, puis après ça s'est développé, donc faut pas non plus perdre cet aspect-là. Il y a un projet qui est mis de l'avant en ce moment, qui est le plan paysage de la route 138. Vous connaissez la route 138? Oui, c'est la route c'est... là-bas. Là. Ah, ah oui, par là? Oui, par là. Exactement. Vous voyez? Oui, là, je pointe là-bas. Exactement. Non, je sais pas, la 132, ça va? C'est celle qui fait la plus longue, mais 138 est où? Je vais chercher. Tu vas dire plus précisément selon les interwebs? Oui. Ah, on a un recherchiste. Ah... En tout cas, elle passe par Rivière-du-Loup. Bon, c'est ce que je voulais savoir. Elle passe par Rivière-du-Loup. OK. Ah, oh, on est informé. C'est une route nationale québécoise et l'une des plus anciennes routes au Canada. Incroyable! Elle va de l'est en ouest. Oh. Et puis, elle est située en grande partie sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent. Puis, elle a combien de kilomètres, ouais. Jean-Philippe? 1389,3 kilomètres. Le virgule 3 est important dans ce qu'on va expliquer. Oui. Dans le fond, le projet porteur qui est le plan paysage de la route 138, c'est de mettre en valeur les paysages qui nécessitent, dans le fond, les gens qui ont à passer à travers cette route-là pour se rendre du point A au point B. Et les MRC, les municipalités régionales de comté de la Côte-de-Beaupré, de Charlevoix et de Charlevoix-Est se sont réunis en 2009 pour créer la table de concertation sur les paysages. De là est ressorti le projet. Puis parmi les travaux qu'on parlait, le plan paysage de la route 138, ça consistait, dans le fond, à établir un concept de signature artistique puis à donner des pistes de design. Fait qu'on sert de cet aspect-là autant pour permettre aux artistes un côté de visibilité que de mettre une ambiance moins plate sur la route aussi. Des fois, on a des longues routes bétonnières qui ont juste des arbres tout le tour, mais qu'il y a une façon de l'aménager sans briser tout le côté naturel. Puis, ce concept-là, ouais, c'est ça, c'est un nouveau concept. Et il rassemble ce plan-là, le plan de paysage, il rassemble beaucoup d'informations qui pourraient contribuer à développer l'aspect touristique de la route 138 dans Charlevoix. Puis on veut faire en sorte que le parcours touristique qui mène les gens jusqu'à Charlevoix devienne pas juste une route de passage, mais une des étapes du voyage et que les visiteurs aient envie de s'arrêter tout au long de ces différentes routes-là. Donc on connaît aussi des fois la route des vins, la route des baleines. C'est un peu le même principe. On veut, par des attraits touristiques, faire en sorte que toute la route deviennent le voyage, même s'il y a un but final où est-ce qu'on arrête. Mais là, ça devient le même principe, sauf que ça va être beaucoup du visuel. Donc, est-ce qu'il va y avoir des aspects où les gens vont arrêter physiquement pour visiter? C'est à voir, mais là, c'est beaucoup sur le visuel de la route. Puis, si je peux amener en conclusion, dans le fond, il y a un gros aspect d'image identitaire. Il y a un gros aspect d'image identitaire que, par ces aménagements-là, on met des signatures. On met une signature artistique des différentes villes qui vont mettre en place ces éléments-là. Puis, comme on parlait avec la route 138, le paysage peut devenir aussi le but touristique de déplacement. Puis, le but, c'est pas de créer des environnements esthétiques, des faux environnements déconnectés des contextes, mais c'est vraiment de créer des lieux qui ont la caractéristique soit de rappeler des événements historiques ou de faire vivre soit une émotion ou autre aux touristes, dans le fond. On veut, à travers ça, que le voyageur, il cherche des paysages uniques, identitaires, puis des images distinctives. Il faut faire en sorte que dans ses souvenirs de voyage, tout le parcours touristique va avoir été marqué par le visuel naturel de cet aspect-là. Donc, voilà. Super. Génial. C'est tellement naturel, tout ça. Si tu voulais encore plus attirer les regards, ça devrait être naturel ainsi que naturiste. S'il y avait des gens tout nus tout le long de la route 138, gens tout nus, en ligne. Oui. Alors, on dénombre un très grand nombre d'accidents potentiels. Là, il faut que tu fasses attention, parce que avec les naturistes, tu pourrais avoir tes bons amis, là, mais des fois, ils sont âgés. Tes vieux potes, tes potes âgés. Tes potes âgés! Parce qu'on a parlé de potager au début. Depuis tantôt, je me retiens, là, je commençais à shaker, je voulais la sortir. Je sais pas si les naturistes, ils pointeraient tout le nord avec leur... Okay. Oh. Ouais, ils font plus du pouce, ils font... Ouais, c'est rendu loin pas mal. Hein. Ils font plus du pouce, ils font du gland. Ouais. Oh! Hey! Ho! Ha! Non, mais les noisetiers. Ah, OK, oui. Ah. Ben là, il est revenu à la nature. Ben oui, tout de suite, les arbres. Voyons. Feuilles de vigne pis tout. Oui, ça. Merci, Marie-Laurence Audet. Ça fait plaisir. On va te retrouver aux deux semaines. Oui. Ici, même à Assemblage Requis, c'est en deuxième demi-heure d'émission. Fait que faites la conversion, comme le cas est échéant. Merci voilà. Encore. D'accord. Et merci beaucoup. Dans quelques instants, on va continuer avec un petit peu plus de C'est un fait. D'accord. Mais avant ça, on va entendre. Un pif-paf. Un petit peu de pif-paf, comme sur le bord de la route, les naturistes, pif-paf, ils tassent une mouche avec leur noix. Ouais. Ah, c'est le son que ça fait. Pom, pom, clac, pom. Clac, non, clac, plus, clac. Ah, deux sortes de sons. On the state line, don't be scared about it, don't be scared about it. I'll meet you in a space and time. She says she ain't mine, this place is way too crowded, this place is way too crowded. I'll meet you in a space and time. She's on the state line, she says she ain't mine, I'll meet you in a space and time. Moi, j'ai fait boom. Ah, c'était comme un pop-boom. Pop-boom. C'est ce que ça veut dire. Vous êtes toujours Assemblage Requis. On vient d'entendre Piff Paffing Over et Whatever Works. Oui, monsieur. Mm-hmm. Tantôt, on était en plein milieu de C'est un fait. Moi, je pense que ce serait une bonne idée d'y retourner. Hein. C'est pas des choses que je sais pas. C'est un fait. Je me tente le début. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié le premier couplet. Ben, ouais. Je suis en train de siffler, là, j'étais là, ouais. Moi, j'ai oublié la première phrase. Non, on oublie tout le temps quelque chose. C'est tellement simple, pourtant. Mon Dieu. C'était 20 secondes de pur bonheur. Ouais. Donc, c'est un fait. La chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Deuxième petit bloc, plus exhaustif cette fois-ci. Il y a un comté rural en Irlande qui laisse les gens boire et conduire. OK. C'est County Kerry en Irlande qui vient de passer une loi qui permet aux gens de boire et conduire tant et aussi longtemps que ce soit sur une route rurale, dans la campagne, dans le fond, de la ville. Ça a l'air un petit peu suspect, tout ça, mais la personne qui a présenté cette loi-là est lui-même propriétaire d'un bar. Yep. Il insiste que c'est une question de santé mentale. Il a dit que ces gens-là ont de très petits risques d'accident quand ils boivent et conduisent parce qu'ils sont sur des routes lentes et souvent ils sont en tracteur. Donc, ce serait pas juste de les traiter comme les autres conducteurs, dit-il. Ah, OK. Donc, il dit que ne pas être capable de sortir, boire et ensuite retourner à la maison en tracteur va mener ces gens-là à la dépression et au suicide. Ah, OK. Ouais, c'était la meilleure solution, je pense. Je pense que c'est la seule, en fait. Il ouais. Y a une relique en dessous de la ville de Cincinnati. C'est un ancien métro qui n'a jamais été utilisé. C'est à Cincinnati, donc en Ohio, aux États-Unis. Évidemment, ça fait un grand contraste avec la ville présentement qui est dans un déclin total, donc vraiment en déchéance. Mais au début du 20e siècle, les choses allaient très, très bien à Cincinnati. Donc, on a décidé que le système de streetcar, donc les tramways et les autres affaires comme ça au-dessus de la rue, devaient être remplacés. Ils ont donc commencé les plans pour faire un métro sous le sol. Et ils ont commencé à construire ça. Deux problèmes, par contre, ça n'a jamais été fini. Et il n'y a jamais eu un seul passager qui a embarqué dans un métro, dans un métro en dessous de la route. Donc, la Première Guerre mondiale, la dépression et finalement la Deuxième Guerre mondiale ont remis les plans à plus tard. En y repensant, mais c'est ça, c'est une période évidemment humiliante dans l'histoire de Cincinnati. Et comme c'était pas assez de gaspillage, ça a mené à encore plus de déchéances dans la ville. Ils n'ont pas pu faire d'argent sur le métro et tout ça, donc ça a vraiment mené à des problèmes financiers. Et ça a créé beaucoup de trafic aussi en haut chez les voitures, parce que les gens n'avaient pas de métro. Donc on a essayé plusieurs propositions pour essayer de ramener les plans de métro à la surface, si on veut. Mais il n'y a rien qui a décollé jusqu'à maintenant, et on essaie encore aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, ça va débloquer, ils vont pouvoir compléter ça, parce que la structure est faite déjà. Il y a vraiment le béton, et tout ça, tout est coulé, tout est prêt. Pas nécessairement pour directement accueillir le métro. Ça mais presque tout est là. Presque tout est là. En 1994, on reste dans les transports. Un enfant a causé un accident d'avion dans une montagne. C'était le 23 mars en 1994, un vol routinier entre Moscou et Hong Kong. Le pilote du Airbus A310-304, Yaroslav Kudrinsky, a laissé ses deux enfants entrer dans le cockpit, dans le flight deck. Donc, les garçons Elder et sa sœur Yana étaient au contrôle. Pendant le vol jusqu'à Hong Kong, le père avait mis l'avion sur pilote automatique. Son plan était de leur donner l'impression qu'il faisait voler l'avion, alors que c'est lui qui avait le contrôle. Quand le garçon jouait, il a accidentellement désactivé le pilote automatique. L'avion a fait un nose-dive, ça a piqué du nez à un angle de comme 45 degrés ou plus. Ils ont essayé de corriger le problème, empêcher le désastre, mais ils n'ont pas réussi. 63 passagers et 12 membres de l'équipage sont morts quand l'avion a foncé directement dans une montagne, la Alato Mountain Range, dans le sud central de la Russie, South Central Russia. Donc c'est ça, plusieurs se sont demandé s'il y avait des terroristes dans cette histoire-là, mais finalement ils ont pu écouter la boîte noire, c'est ça, c'était juste des enfants. C'est vraiment triste. C'est bête, hein? C'est un bête accident. Ah, voilà. Google qui vous permet maintenant de chercher par chiffre de Kevin Bacon. Tu connais le jeu de 6 degrés de Kevin Bacon? Une des modes Internet les plus connues. Donc, la prémisse vient d'une entrevue en 94 que Kevin Bacon avait donnée. Il a dit à cette époque-là qu'il avait travaillé avec presque tout le monde à Hollywood ou encore quelqu'un qui travaillait avec quelqu'un avec qui il a travaillé, ce genre de choses-là. Donc, ça a mené éventuellement une théorie par les fans que tout le monde était connecté à Kevin Bacon en dedans de 6 degrés. Le jeu a été créé en 1994 par trois étudiants universitaires. L'idée, donc, était de trouver la distance la plus courte entre un acteur et Kevin Bacon. Ils ont écrit à Jon Stewart, animateur télé, leur disant que Kevin Bacon était le centre de l'univers. Ils ont réussi à se présenter, à être invités à l'émission de Jon Stewart et ensuite à celle de Howard Stern. Au départ, il n'aimait pas le jeu, Kevin Bacon, mais maintenant, il aime ça. Il a même démarré une organisation, une charité qui s'appelle sixdegrees.org. Pour ramasser de l'argent pour la bonne cause. Donc, Google, maintenant, a simplifié la tâche de trouver le Bacon Number. Vous n'avez qu'à taper n'importe quel nom de vedette et ajouter Bacon Number à la fin. Donc, le plus haut chiffre Bacon Number que la personne qui a écrit cet article-là a réussi à trouver, c'était Justin Bieber avec seulement 4. Avec 4, donc, c'était le plus de degrés possible. C'est vraiment difficile, apparemment, de trouver quelqu'un qui a un haut chiffre. Est-ce qu'on va l'essayer avec... est-ce que tu es sur Google, mettons, pour taper peut-être, une actrice, c'est sûr qu'il faudrait qu'elle soit moyennement connue. Là. Peut-être, peut-être québécoise, peut-être, ça pourrait être pas pire. Québécoise? Je sais pas. Marie-Main. Je sais pas. Ah, Marie-Main, OK. Marina Orsini. OK. Bacon Number. Bacon Number. Si ça fonctionne avec un artiste québécois, je suis pas sûr. Je pense pas que ça va fonctionner avec Mac Nurse. Non, je pense que non. Non, ça a pas l'air à vouloir marcher. Je vais en trouver un. Je vais en trouver un avant, de passer à autre chose. Ah, je trouve pas. Je trouve rien. Ah, oh non. OK. On va essayer. Ah, je le trouve pas. Ça marche pas. OK, ça marche pas de mon côté. Moi non plus. Non. Sûrement que c'est à cause qu'on a la version canadienne de Google. Des fois, il faut avoir la version américaine pour les petits tests comme ça. Dans le jeu d'origine de Clou, Monsieur Green. Il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Green dans la version en anglais, évidemment, de ce jeu-là. En français, je sais pas comment il s'appelle. Monsieur Green. Monsieur Green. Il y a Colonel Moutarde. OK, oui, oui. Donc, dans la version d'origine, Monsieur Green, était... peut-être que c'est Green en français aussi. Il s'appelait Révérend Green. Donc, au Royaume-Uni, le jeu s'appelle Cluedo, alors que nous, on l'appelle Clue. Le jeu a été édité par Wellington's Leeds en Angleterre en 1949, créé par Anthony Pratt de Birmingham. Hasbro a racheté les droits aux États-Unis et en Amérique du Nord. Plusieurs livres et même un film ont été faits par rapport à ce jeu-là. Depuis 1949, plusieurs jeux dérivés sont sortis, des clous spécialisés avec des personnages additionnels. Au Royaume-Uni, comme je disais, donc, le personnage de Monsieur Green, à l'origine, s'appelait Révérend Monsieur Green, Révérend Green. Le jeu, quand il a été amené en Amérique du Nord, les créateurs ont insisté à ce qu'on change ça pour Monsieur Green. Ils pensaient que les Américains aimeraient pas qu'une personne religieuse soit coupable de meurtre. Oh. Alors que pourtant, c'est pas mal ceux qui en font le plus. Mais bon. Ouais, voilà. Voilà pour, c'est Monsieur Green ou Inspecteur Green? Peut-être Inspecteur Green, je sais pas. Il me semble qu'il y avait... Je ne sais pas. Ensuite, si tu... oui, tiens, ouvre ta bouche très grand dans ton micro. On va T'es au max? Hein? Est-ce que ça craque, toi? Oui. Ça a craqué. Écoute... Hein? Oh, oui, ça te craque du côté droit seulement. Hein? Ouais, peut-être. Est-ce que t'as remarqué que c'est juste du côté droit? Droit? Une fois que tu l'as remarqué, tu peux plus le déremarquer. T'sais. Non, moi, ça craque, on dirait, au milieu. Ah, OK, parfait. Bon, ben, tu vas voir que t'es une personne particulière. Hein? Oui, ben, c'est ça, c'est un fait qui va peut-être gâcher votre journée si vous ne l'avez jamais remarqué. Moi, j'avais déjà remarqué que ma mâchoire craquait. Je me demandais si c'était normal, mais tu sais, à un moment donné, tu t'en fais pas pour des affaires aussi simples que ça dans la vie. Environ un tiers de la population humaine peut ressentir et entendre un petit pop ou un cliquement quand la bouche est ouverte au complet. Donc, la jointure de la mâchoire qu'on appelle plus formellement la jointure temporomandibulaire. Oui. Évidemment, comme on dit, la TMJ. TMJ. Donc, fait partie de notre mâchoire et c'est ce qui glisse par en bas et par en avant quand on ouvre notre bouche. C'est un petit disque lubrifié mou. Qu'on appelle aussi un disque articulaire, mais c'est l'article, existe entre le bout arrondi de l'os de la mâchoire et le crâne, ce qui permet à la bouche d'ouvrir doucement. Malheureusement, ce disque-là n'est souvent pas assez grand ou de la bonne forme, ce qui cause du crépitus, qui est donc le frottement, le craquement, le pop qu'on entend quand on ouvre la bouche trop grand. Mais il faut pas s'en faire, c'est plus commun qu'on le croit. Un docteur a analysé 1099 mâchoires d'étudiants en hygiène dentaire entre 1970 et 1986. Et il nous apprend que 61,2% des gens ne peuvent pas entendre de son de popement ou de cliquement ou peu importe. Donc 61,2% n'ont pas ce son-là. 38,9% ont un pop. 17,1% du côté droit. Et 12,7% du côté gauche et 9,1% des deux côtés. Ah. Donc, tu serais dans la minorité. Wow! Je suis vraiment très minime. Très, très minime, oui. Alors voilà, c'est le son que ça fait quand vous ouvrez grand la bouche. Intéressant quand même. Il y a un livre sur un jeune sorcier dans une école de magie. OK. Est-ce que tu connais ça? Ben, ça dépend... Lequel tu veux que je te nomme? Ça dit quoi, mettons, un jeune garçon dans une école de sorcellerie? Moi, d'après moi, il y a une cicatrice dans le front. Peut-être, mais ce n'est pas celui que tu penses. Ce n'est pas Harry Potter. Tu savais que tu ferais prendre si je t'étais... Ouais, exactement. C'est pour ça que je voulais pas le dire. Ça semblait aussi. Donc, une des plus grandes séries de livres de tous les temps est devenue, évidemment, un blockbuster au cinéma, la série Harry Potter. Mais les livres et les films qui racontent l'aventure d'un jeune sorcier à une école de sorciers, ben, Colin, c'est pas le seul. Il y a une autre série de livres qui ressemble à ça et qui la prédate de 8 ans. Okay. Jane Yolen a écrit un livre nommé Wizard's Hall, qui suit un jeune garçon nommé Henry, et non pas Harry, qui plus tard est renommé Thorne Mallow lorsqu'il arrive à l'école. C'est un sorcier pas très très compétent. Il apprend que pour devenir le sorcier le plus puissant de tous les temps, c'est ça. Il apprend à devenir un sorcier puissant, voilà, en arrivant à l'école de génie de la magie, le Wizard's Hall. L'école a aussi des photos des membres de, dans le fond, des professeurs, etc. Sur le campus, affichés sur les murs, et ça bouge. Pareil comme dans Harry Potter, donc les gens sont comme dans le cadre et bougent exactement comme dans Harry Potter. Et il y a un sorcier qui a enseigné là-bas, qui est maintenant un mystère, exactement pareil comme dans Harry Potter. Scholastic a arrêté d'imprimer la version couverture souple de ce livre-là un an avant de commencer à éditer et sortir la série Harry Potter. Harcourt, une autre maison d'édition, a plus tard repris les droits des livres de Jane Olin et a commencé à réimprimer ça quelques temps après la sortie d'Harry Potter. Le livre a été nominé en 1992-93 pour le Maryland Black Eye de Susan Award. Donc c'est ça, c'était vraiment 8 ans avant Harry Potter. Donc je sais pas s'il y a un cas de plagiat ou de copiage ou d'inspiration, mais en tout cas, c'est un peu louche. Quand même. Pas mal. Il y a des éléments concordants. Ouais. Et parlant d'Harry Potter, il y a un cascadeur de Harry Potter qui est devenu paralysé. As-tu entendu parler de ça? Non. Et lorsque Harry Potter a dû faire face aux Deathly Hallows dans le dernier film de la série, c'est pas l'acteur Daniel Radcliffe qui faisait les cascades, c'est David Holmes qui était le cascadeur attitré à Daniel Radcliffe, le gars qui joue Harry Potter. Pour tout ce qui était dangereux dans les 6 premiers films, c'est devenu un petit peu trop dangereux par contre à la fin. En pratiquant une scène pour le film en janvier 2009 où il devait voler et avoir des explosions autour de lui, bref, pas une très bonne combinaison pour la sécurité. Quelque chose a mal tourné. Holmes a fini par complètement crasher, tomber sur le sol. Il a atterri d'une mauvaise façon et il s'est blessé à la colonne vertébrale. Il est resté conscient, mais il était plus capable de sortir ses jambes, donc il est amené à l'hôpital. Le garçon de 25 ans espérait retourner au travail, mais il a réalisé, donc les docteurs ont réalisé qu'il était complètement paralysé. Il est maintenant en chaise roulante à temps plein. Radcliffe aime beaucoup Holmes quand même. Je vois pas pourquoi il a arrêté de l'aimer. Mais t'es plus mon ami. Tu marches plus, t'es plus mon ami. Mais il dit que c'est un excellent gymnaste, en tout cas c'était un excellent gymnaste, qui était capable de faire tout plein de cascades que Daniel Radcliffe aurait jamais espéré faire lui-même. Jamais osé. Même s'il n'a pas réussi à finir le film, Holmes est quand même crédité parmi les cascadeurs dans les films de Deathly Hallows, oui. Mais il y a eu d'autres personnes qui ont pris sa place avec le temps. Ah ouais. C'est bien triste tout ça. Oui. Voilà pour cet effet. Ah. On est à la fin de cette portion d'émission. On termine l'heure. Oui. Oui. On va revenir avec une deuxième heure tantôt. On va voir dans cette deuxième heure-là, entre autres, Sex Message de répondre là. Mm-hmm. Ça, j'aime ça. Très le fun, c'est des gadgets inutiles. Qu'est-ce qu'on a aussi dans King le plan? Kinky Sexy Time. Et si tout va bien, dans cette deuxième heure, on va aussi faire le puisard du hasard. J'ai hâte de voir ça. Je veux la faire avec toi parce que c'est juste des sujets. Là, je t'expliquerai tantôt. Oui, ok, parfait. On garde les mystères. Génial. Restez là. La radio des étudiants de l'UQTR. C'est fou ça! Toujours Assemblage Rocky pour la semaine du 26 mai 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Oh oui, encore une heure ensemble, Jean-Philippe. Ouais. On va s'acheter des choses l'un l'autre, des petits cadeaux. Oui. Pour se féliciter d'exister. Puis des fois, ça va être des cadeaux empoisonnés. Oh. Des cadeaux qui servent à rien. Oh ben là. Des fois, ça va dépendre. J'ai hâte de voir ce que tu as à me proposer. OK. On va chacun se choisir pour la le fin. Top 1. Le top 1 qu'on voudrait offrir à l'autre. On préfère ça. Celui que tu veux, puis celui que tu veux offrir. Parfait. Ah oui, c'est bon ça. On aime ça. Mais avant ça, on écoute un petit peu de Philippe B. Voici Ornithologie 1 sur C'est fou. 89.1 FM. La la la. La ville est disparue sous les retailles de l'été, les oiseaux perdus traînent les rues, il ne reste plus rien dans le ciel en morceaux. Oh, oh. On va se parler de la météo. trottoirs mouillés, les animaux dépareillés s'en vont deux par deux, les yeux fermés à la fête des morts. La nuit déguise les corps. Vous ne saurez jamais qui je suis. Ornithologie 1, de Philippe B. L'ornithologie, c'est les oiseaux. Hein. Oui. Ah ouais, c'est ça. Ah, on dirait que je sais plus. Ça. Parce que, en ce cas, moi, j'entends ça, puis j'entends les oiseaux revenir quand je dis oiseaux. Oiseaux. Mais je pense que c'est ça, ornithologie. Hein. Ouais, oui, oiseaux. Oui, good, phew. Ah, Colin. Je sais pas pourquoi. On dirait que je pense juste à un ornithorynque, ornithologie. Sûrement. Fait que là, je suis là, un ornithorynque, c'est pas un oiseau. Ornithorynque. Ah, j'ai perdu ce que j'avais. Je suis plus drôle depuis le début de l'été. Je suis jamais drôle. Mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. C'est bon. On va essayer de remédier à ça. OK, en achetant des affaires pour nous rendre heureux, voici si ça existe, mais ça ne devrait pas. Là. Ready? Je vais partir d'un concours à Assemblage Requis. Si vous trouvez la blague que j'insère dans l'émission, quelque chose que je dis de drôle, téléphonez-nous, on va vous donner un oiseau. Chose comme ça. Ouais, on va aller chercher un oiseau mort. Donc, ça porte bonheur. Hey! Moi, juste la patte. Tu chopes la patte. Donc, c'est espèce de réponse là. C'est la chronique de Gadget Inutile. Commençons avec une bague pour porter votre iPhone sur le doigt. T'sais, ah, ben oui. Les montres intelligentes sont bien à la mode. Mais pourquoi ne pas porter une bague avec ton iPhone qui tient après? Ben oui, t'sais, pratique. Ils vendent ça. Ils vendent ça sur Internet. Le lien sur assemblagerequis.com. Ça coûte 4,13$. Shipping gratuit sur Amazon. C'est le Ring Stand Holder pour iPhone 5. Ou encore iPad mini. Ben là, tu sais, après, ben oui. Tu sais, fais juste t'essayer de tenir ton iPhone, là. Ça revient lourd, là, à un moment donné. Mais bon. Tu sais, c'est pas pratique, mettons, je vais écrire à l'ordi, je fais juste comme ça, je t'approche dessus, puis il va tomber. Mais la photo, la personne met pas son iPhone sur le dessus de sa main, mais en dessous, donc peut-être pour tenir ton iPhone, pouvoir faire autre chose en même temps. Ouais. Mathieu, tu me fais penser qu'il faut que j'ouvre mes liens, là. Ouais, ça pourrait être bien. Oui. Mais c'est la chronique, il faut que j'ouvre mes liens. J'essayais de deviner comment ça pouvait être quelque chose de pertinent. Est-ce qu'il y a des cotes? Il y a personne qui l'a coté? Non, il l'a, OK. Il y a 3 personnes qui ont donné 5 étoiles. Ça donne une moyenne pour 6 personnes de 4,2 étoiles/5. Ah, mais quand même. Pas si pire. Les 4 inventeurs. Ouais, c'est ça. Le comité d'invention. Ah, ouais, j'avoue, OK, peut-être. Peut-être s'il est à l'intérieur, ouais, je vois. Oui, OK. Mais tu ferais quoi avec ça, mettons? Ben, tu sais, mettons, moi, avant de me coucher, là, j'aime ça, mettons, je lis un peu. Fait que, tu sais, je le lis, mais je suis couché. Ouais. Fait que, tu sais, je suis obligé de le tenir. Puis des fois, j'ai une faiblesse. C'est vrai. Le paf, je le reçois dans l'œil. T'as raison. Oui, mais avec la gravité. Ouais, c'est la seule utilité que je verrais à cette bague-là. OK. Pour 4$. Je dois avouer que c'est pas si pire que ça. C'est déjà, tu sais, dans le même genre, il y a aussi, je sais pas si t'as vu ça. La boîte, c'est ça? Non, ok, vas-y. C'est l'affaire que tu t'accroches après la cuisse. Ok. Tu mets ton iPhone dedans, devine à quoi ça sert. Tu t'accroches après la cuisse. Pour que t'aies les deux mains libres pour faire des. chose. Tu comprends ce que ça veut dire? Pour te... Moi, je pensais, parce que j'ai vu, tu peux aussi te couper une boîte, mettons une boîte à chaussures. Oui. Puis là, tu mets ton iPhone en haut. Oui. Puis là, tu te mets la boîte sur les yeux. Ça, c'est une bonne idée. Comme ça, tu peux écouter un film avant de te coucher ou... T'as aussi t'as une casquette et des lunettes aussi que tu peux mettre ton iPhone dans les lunettes ou dans la casquette pour te tenir devant tes yeux. Comme ça, c'est idéal pour ça. Ah, wow! On reste dans l'iPhone. OK. Mais aucun lien avec la... c'est Ross Mc... Ma syllabe, c'était le début de la prochaine phrase et non pas la suite de cra. Okay. Quand tu dis c'est le début de la prochaine phrase. Ouais. C'est l'inventeur Ross McBride et son BitBead Case pour iPhone 5 et iPhone 5S qui utilise des petites billes pour personnaliser un étui pour iPhone. Okay. Donc, c'est des petites billes un petit peu comme pour faire des colliers, les petites filles. Des fois, bon. Donc, le BitBead Kit vient avec l'étui, un pegboard, donc le panneau pour mettre les petits pitons dessus. Ça vient avec 1000 petites billes comme ça de 16 couleurs différentes. Ross a aussi créé une application web qui contient dans le fond des billes virtuelles, ouais, pour que tu puisses les créer sur l'ordinateur et ensuite les reproduire sur ton iPhone en les mettant juste à la même place. Un des désavantages de cet étui-là, c'est que c'est 13 mm d'épais. Donc, c'est presque le double de l'épaisseur d'un iPhone 5S. Ouais. Donc, vraiment, tu fais pas ça pour mettre ça dans ta poche et être confortable. Donc, on demande 34 $ américains sur Kickstarter pour avoir votre propre kit, votre propre ensemble BitBead comme récompense. Ah ben. Mais il aurait pu les faire plus minces. Pourquoi ils les font pas plus minces? Il me semble que oui, là. Je sais pas. Sûrement parce que peut-être qu'ils servent de billes qui sont utilisées dans d'autres domaines que je les étudie. Pour pas avoir à les créer, genre. C'est ça, pour pas avoir à fabriquer les billes eux-mêmes. Mais tu pourrais les couper en deux à la main. Tu sais, tranche ça. Mais oui, mais ça en fait double. Mais oui. Tu sais. Hey, travaille avec tes mains. C'est ça. T'es tellement habitué, toi, qui t'es... un autre étui de frites de McDonald's, mais pas de McDonald's. C'est la compagnie Moschino. C'est donc un superbe étui en forme de boîte de frites. Donc, qui ressemble étrangement à celle de McDonald's. Pas mal, mais pas avec le même logo. Le M est plus courbé. C'est comme un cœur. C'est comme un cœur ou des oreilles de lapin. Pareil. Une paire de fesses. Oui, encore. contrairement donc à la nourriture et aux frites de chez McDonald's, cet étui-là est très cher. Okay. Donc, c'est l'aide de plaie qui vend ça pour 70 $. Peux-tu me l'acheter, l'aide de plaie? Le poulet? Le poulet. Hein? L'aide de poulet? Ah oui! Ah, j'avais même pas. Ben oui, le palais, mais c'est le poulet comme des McCroquettes. Okay. Bon. Ça a l'air d'être fait en caoutchouc, cet étui-là. Ouais. Donc, vraiment laid. C'est pas un jouet pour chien, j'aime pas ça. Puis en plus, il y a un gros trou pour la caméra de photo. Il aurait pu faire quelque chose de mieux. Ah, vraiment. Maintenant, alors ça, c'est plus cool. Par contre, pour jouer avec ses amis, c'est une batte de baseball. Un sabre laser. Mais électronique qui retient le pointage. Hein? Sabertron, donc c'est des épées de mousse, donc du styrofoam si on veut. C'est plus de la mousse. Comme les... Comment les frites. Ça ressemble à des frites. On dirait les frites. Ouais, c'est ça, les frites de piscine. Les frites de piscine, ouais. Ouais, okay. Les pailles, si on veut. Donc, mais il y a des détecteurs à l'intérieur et un système de pointage électronique qui va donc savoir quand vous frappez une épée contre une autre ou encore que vous frappez quelque chose d'autre qu'une épée. Donc, il y a 5 différents modes de jeu. Le One Hit to Win It, où tu as juste à frapper une fois sur quelque chose et tu gagnes. Le Countdown, où tu dois avoir 3 frappés pour gagner. Meter Damage, où plus tu frappes fort, plus ça va faire de dommages à ton ennemi. Eternal Struggle, qui est pareil comme Countdown, comme on a mentionné, ça c'était 3 coups pour gagner, sauf que tu vas pouvoir te mériter de la santé, comme dans un jeu. Okay. Plus le temps passe, tu vas reprendre de la santé. Et le Hopeless, qui est identique à Eternal Struggle, celui qu'on vient juste de dire là, sauf qu'on peut... tu vas seulement te mériter de la santé. C'est quoi ça? Alors, moins tu as de santé, moins de dommages tu vas prendre. Okay. Bref. Okay. Donc c'est 100 $ pour 2 épées. Vous pouvez aller voir la vidéo sur assemblagerequis.com du Kickstarter, de qu'est-ce que ça donne. Donc, c'est des jouets aux épées moins de morts. Okay. Moins de morts que l'épée habituelle, disons. Mais ça reste cool. Ça ressemble pas vraiment visuellement à une épée tant que ça, je trouve. Bon. Ouais. Ça fait jouer d'enfant. Oui, ça fait plus sabre laser, comme tu as dit tantôt. Ouais. Ou batte de baseball. Moi, je pensais que c'était un sabre laser. Ouais. Mais bon, ça a l'air cool quand même comme idée d'avoir un pointage pour tout ça. Ce qui est cool aussi dans la vie, c'est Mario. Hein, tu sais, Mario, c'est je suis un grand fan des jeux de Mario. Dans la version originale de Super Mario Bros. Pour la NES, Mario et Luigi devaient traverser un champ de blocs, de pièces, de monnaie et de tuyaux dans le royaume champignon. Mais une fois que tu arrivais à la fin du tableau, tu avais tout un petit drapeau. Mm-hmm. Et tu pouvais prendre le drapeau en haut, qui est un drapeau blanc, donc comme pour faire la paix, et le remplacer par ton drapeau de Mario ou de Luigi. Bon. Pour faire comme si tu avais conquis le monde et les habitants de ce monde-là. Et ben, c'est ça. Bon, bref, on connaît tous Mario, mais on peut maintenant acheter ce symbole. Ah, le drapeau. Le drapeau. Levez votre propre drapeau. Super Mario Brothers Flag, version grandeur réelle du drapeau officiel du Royaume Champignon. C'est fait de polyester super heavy duty. Et tu peux l'accrocher un peu n'importe où. Il n'y a pas de feu d'artifice inclus, malheureusement. Et je pense pas que le poteau soit inclus non plus. Donc, malheureusement, vous allez devoir fournir votre propre poteau. Le mât. Le mât. Ah, exactement. C'est le mot que je cherchais. Le mât. Je trouve que c'est le fun que le champignon, ou le, je sais pas ce que c'est supposé être sur le drapeau, en fait, est quand même assez pixelisé, tellement qu'on reconnaît pas ce que c'est supposé être. Non, c'est vrai. Mais le drapeau lui-même aurait dû être pixelisé. Ouais, tant qu'à faire, ouais. Il aurait dû faire les escaliers, si on veut. Ouais. Je trouve que c'est une opportunité ratée. Voilà. Les imprimantes 3D sont à la mode, tu le sais, mais les crêpes resteront toujours encore plus à la mode que les imprimantes 3D. Donc, tu peux acheter le Pancake Bot. Ben, en fait, je pense pas que tu puisses... tu peux pas l'acheter en ce moment, mais la création donc de cette imprimante 3D à imprimer des crêpes, où tu as juste à mettre évidemment le mélange, la mixture, choisir ton design de crêpes et regarder la tête d'impression te faire le travail. Une tour Eiffel, une face de Spider-Man, quelque chose comme ça, un petit cheval. c'est Miguel Valenzuela qui travaille là-dessus depuis 2010. La version présentement de Pancake Bot n'utilise pas sa structure de Lego qu'il avait fait à l'époque. À la place, il a choisi quelque chose d'un petit peu plus solide et abordable à fabriquer. C'est pas disponible commercialement, mais Miguel utilise ce prototype-là pour enseigner aux enfants dans des programmes genre scolaires, d'ingénierie. Tu sais, on va leur montrer l'ingénierie, construire des robots, la programmation, etc. Donc, il sert de ça pour ça. Mais un jour, j'espère pouvoir avoir ton propre crêpe designer. Crêpe bot! Ah, on dirait un nouveau sagué, crêpe bot. Crêpe bot. Crêpe bot. Tu sais, quand t'entres dans une pièce que t'es pas chez vous, là, tu te demandes tout le temps quel bouton va ouvrir quelle lumière. Oui. C'est jamais dans le bon ordre, t'sais, c'est jamais logique. Donc, tu vas pouvoir installer chez toi, pour les gens qui viennent chez vous, ou de demander à tes amis d'installer ça chez vous, chez eux, hein, des autocollants qui vont sur les boutons. Ah, c'est super simple. Donc, ça vous permet d'empêcher les gens de gaspiller d'électricité en ouvrant les mauvaises lumières, etc. Donc, ça coûte pour 55 décals, c'est comme des petits des décals là, que tu colles sur ton bouton. 18 $. 55 décals. Bon, c'est pas super. Quand même pas super. Tu peux avoir ici, dans ce cas-ci, il y a une lampe de chevet, une lampe au plafond, une prise de courant, des trucs comme ça. Donc Bah c'est bien. C'est très beau. Et c'est des petits ombrages, les dessins. C'est pas trop dérangeant. Mais ils sont quand même sont bien faits. Ben moi, je les trouve beaux. Je trouve que ça pourrait être comme ça de base, les boutons. Ça devrait pas être juste blanc. Ouais. C'est beaucoup plus beau, ça. Quand t'es à l'ordinateur trop longtemps, tu passes la journée sur de la paperasse, des finances, des affaires ben trop compliquées pour moi. T'as mal aux yeux, t'as mal à la tête. Ça peut arriver. Donc, plusieurs gens vivent ça, ont les yeux secs, des trucs comme ça. Donc, les Gamma Ray GR003 Computer Glasses disent être une bonne prévention. Il y a un anti-reflet et un anti-graffinure dans ces lunettes-là. Le manufacturier, la compagnie derrière ça, dit que les lunettes vont réduire le stress visuel causé par une exposition trop prolongée à un moniteur d'ordinateur. Les vitres sont teintés jaunes, un peu comme les lunettes de conduite et les lunettes pour tirer au fusil, des trucs comme ça. Oui. Les chasseurs, entre autres, ont ça. Ça bloque quelque chose, ça rend la vision plus définie, nous dit-on. Donc, Amazon vend les Gamma Ray GR003 Computer Glasses en noir pour 30 $ ou en brun pour 20 $. Tu te sauves 10 $ en ayant des lunettes vraiment LED? Oui, ils sont vraiment LED. Pour personnes âgées, clairement. Mais bon, ils sont plus cheap, j'imagine qu'ils doivent leur vendre ça moins cher. Ouais. Là, c'est comme le modèle quasiment hipster, ça. Bon, avec le noir. Moi, je prendrais clairement, les noirs sont belles. Mais tu peux même faire changer les lunettes, les vitres, par ton opticien. Je sais pas trop ce que ça donnerait, parce que tu peux faire mettre des vitres de prescription jaunes, mais là, pourquoi est-ce que tu aurais besoin des frames, des montures? Pas t'économiser la monture. Ouais, j'imagine. C'est vrai que c'est pas cher pour une monture, ouais. 30 $. Non. Mais bon. En tout cas, sinon, tiens, une fois que tu vas avoir vu comme il faut dans la vie, tu vas pouvoir peut-être remarquer que quelqu'un te vole ta sacoche ou te saute dessus pour te violer dans la rue. Ça pourrait arriver. On a tous besoin d'un pepper spray, les petits trucs de poivre de Cayenne. Mais ici, c'est un poivre de Cayenne version pimp complètement. Donc, c'est le Defender qui vous permet de vous défendre contre les personnes qui vous attaquent, non seulement avec du poivre de Cayenne, mais aussi en les trouvant, ces gens-là, en prenant leurs photos. Donc, quand tu vas envoyer le poivre de Cayenne, ça va prendre la photo. Ça va être super utile pour pouvoir plus tard identifier, par exemple, dans un line-up de police. Donc, c'est connecté 24/24 au système de monitoring de Defender. Ça va aussi envoyer vos données GPS à la police pour que, aussitôt vous appuyez sur un bouton, ils vont savoir où vous trouvez. C'est équipé aussi d'un haut-parleur et d'une lumière qui scintille, qui oscille même. Donc, pour évidemment faire partir le criminel qui est déjà en train de vous faire quelque chose. J'espère que l'appareil photo prend quand même la photo avant qu'il y ait du poivre de Cayenne, parce que sinon, il doit avoir les deux mains dans la face. Un gros nuage. Tu vois juste deux mains sur la face de quelqu'un. Ils n'ont pas pensé à ça, c'est sûr. Ah, sûrement pas. Ben non. Ah, wow. Mais ici, on voit un exemple de la photo de la personne. Oui, puis on dirait qu'elle fait une pause. Ouais, c'est ça. Vraiment, elle est là pour être prise en photo, cette personne-là. Vraiment. Donc, le Defender n'est pas encore disponible, mais on peut s'inscrire sur leur site web pour avoir des informations. C'est getthedefender.com. Ah, wow. On a parlé de lampe tantôt. On n'aura jamais d'icône à mettre sur notre bouton qui représentera ça parce que c'est juste trop cool. Puis, tu sais, on n'aura jamais, ça sera jamais assez répandu. C'est une lampe en forme de nuage. C'est très cool. C'est le Cloud Lampshade qui va évidemment littéralement vous mettre un nuage au-dessus de la tête. C'est blanc, c'est tout fluffy comme n'importe quel nuage. Et vous pouvez le mettre un petit peu n'importe où, ce nuage-là. Et vu que c'est une lampe, ben, ça vous fournit évidemment de la lumière quand vous en avez besoin. Cloud Lampshade créé par Royal Design, c'est disponible pour 172$. Mais pour vrai, ça a l'air d'un vrai nuage. Oui, quand même, il est bien fait. Je sais pas comment on fait ça. Je me demande si c'est fait en quoi, est-ce que ça peut poigner en feu avec la lumière dedans? Je sais pas. Sûrement pas. Quand tu prends ta douche, c'est le seul moment de la journée où t'as aucune façon de vraiment regarder la TV. C'est vrai. Quand, quand j'étais petit, j'avais une radio qui allait dans la télé. J'avais une radio qui s'en allait dans la douche. OK. C'était cool, elle était en forme de poisson. Ah, c'est cool. Une enfance heureuse. C'est encore des radios pour être dans la douche, mais des télés, par contre, c'est jamais... C'est vrai. Moi, j'ai jamais vu ça. T'sais. Mais c'est ça, donc, dans ta journée, tu peux écouter la télé sur ton téléphone, t'arrives dans l'auto, tu l'écoutes encore branché dans ta prise audio. Mais une fois arrivé dans la douche, qu'est-ce que tu fais? T'installes cette télé-là qui est complètement à l'épreuve de l'eau. Ah. C'est la Home Spa Waterproof TV. Une télé de 17 pouces quand même. Quand même, oui. T'sais, on s'entend qu'on est proche parce qu'une douche, c'est pas nécessairement énorme. 17 pouces, 720p, donc pas, c'est HD, mais c'est pas le 1080p. Hein. C'est complètement scellé contre l'eau et la vapeur. C'est à l'épreuve des graffinures aussi. C'est traité pour empêcher la corrosion. La bruine. Ben, la condensation. Ouais. Il y a une paire de haut-parleurs 3 watts. Avec des trucs qui empêchent l'eau de rentrer aussi, qui produisent quand même un bon son. 16,7 millions de couleurs, 450 pour un pour le ratio de contraste, 170 degrés de champ de vision. Donc évidemment, on peut regarder de tous les côtés, presque. Taux de réponse de 8 millisecondes, des trucs vraiment techniques. HDMI, VGA et audio-vidéo, donc vous pourriez brancher peut-être une console de jeu si vous trouvez une manette. Waterproof. Que tu te laves pas pendant ce temps-là. Tu mets ta Kinect. Ouais, c'est ça, ben oui. Donc, le Home Spa Waterproof TV demande une installation professionnelle pour les branchements dans le mur, etc. Les trucs pour ancrer ben la oui, télé. En arrière, puis tout. T'imagines comment c'est compliqué? Faut que tu refasses ta douche au complet par rapport ouais. à ça. Ben, d'après moi, t'es mieux de pas l'installer si t'as déjà une douche. Ben, c'est ça, exactement. Recommence dans une nouvelle maison. Ouais. C'est 1400$ chez Amaker Schlemmer. 3 à 4 semaines de livraison, vous allez avoir donc le temps de commander un installateur professionnel par ça. Moi, ouais, je sais pas, Mathieu. Je dois t'avouer, je trouve ça très cool. Ouais. Mais ma douche, là, le matin, tu sais, j'ai deux yeux collés, je me lave, tu sais, j'essaie de me réveiller. As-tu besoin de salut bonjour vraiment pendant ce temps-là? Oui, puis c'est ça, faut qu'il y ait quelque chose d'intéressant. Ben oui. Je prendrais pas ma douche en plein milieu d'un film. Non. Une sitcom qui est trois quarts finie non plus. Faut vraiment que tu sois à la demi-heure après. Tu vas vraiment t'aimer ta douche pour être là à 7 heures juste. Oui, c'est ça. Puis écouter le début de salut bonjour. Là. Je vois c'est pas ça. Qu'est-ce que je pourrais écouter d'autre. Je vois vraiment pas le moment. Et tu sais, c'est bien beau là, d'avoir l'image, mais en même temps, t'sais, les radios Bluetooth pour la douche qui fonctionnent maintenant avec un auxiliaire, oui. Tu peux brancher ton iPhone qui pourrait justement lire une émission de télé ou YouTube. Ben quasiment. T'as pas besoin d'image. Parce que l'image, on est vraiment sur son cas là. Oui, mais là, c'est le fun, là, mais tu sais, mettons, quand je suis dans la douche, je me lave le. Une petite douche oculaire. Ben oui, c'est ça. Non, mais je me lave les shampoings. Je fais un shampoing. Tu laves ton shampoing, tu laves ta bouteille. Ok, on arrête. Les cheveux. Oui. Mais quand je me lave les cheveux, là, je veux pas de savon dans mes yeux, donc je ferme les yeux. Ouais. Qu'est-ce qui me reste? Le son. L'osio, ben oui. Il n'y a aucune raison. 1400$ plus l'installation, là, en tout cas. Non, on est vraiment acharnés. Oui, ça. Sur son cas. Eh, bye bye. C'est genre pour les filles genre, qui prennent un bain. Oui, oh, ben ça c'est peut ça. Être bien. Voilà, là, on vient de trouver la solution. C'est là. Vrai. Les filles là, qui avec des chandelles. Ouh. Là, puis... Ouh. Et là, je pense que je te bats encore, comme toujours, les couples. Qui prennent un bain à deux. Ben oui, puis qui veulent regarder une porn en même temps. Ah! Bravo. Mathieu. C'est de la porn. C'est juste pour la porn. Il aurait dû dire au début, c'est pour la porn. C'est pour la porn. Tout pour la porn. Tokyo Flash, on connaît cette compagnie-là. Ils font des montres montres bizarres, des affichages bizarres. Bon, Tokyo Flash au Japon qui vient de sortir une montre en bois. C'est la Kessai Extol Wood Watch. Wood Clock. Wood Watch. Mais non. qui a donc un bracelet en bois et un case, la montre en tant que telle, hexagonale. Donc, il faut, ça affiche l'heure en mode normal et tu peux aussi avoir le mode cryptique. Tokyo Flash sont réputés pour ça, pour que tu sois pas capable de lire la montre sans avoir à faire comme un puzzle. Uh-huh. Pour que t'aies l'air de, comme, d'être hot parce que toi, tu comprends ta montre, tout, l'autre la comprend pas. T'sais. Genre, il est quelle heure? Puis là, tu vas juste montrer ton poignet. T'es du calme? Tu sais pas, hein? C'est des symboles, c'est du morse ou quelque chose comme ça. Donc, une batterie rechargeable pour vous donner quelques mois d'utilisation sur 3,5 heures de charge. La montre est disponible en dark sandalwood avec des lumières rouges ou vertes ou encore en maple, ça c'est de l'érable, avec des lumières bleues ou blanches. La Kizai Extallwood est disponible chez Tokyo Flash Japon pour le prix, pour un bas prix de quelques centaines de dollars. C'était 109 dollars en spécial jusqu'à aujourd'hui, en fait. Donc, vous avez manqué votre chance. Mais je sais pas à combien c'est monté. Bon. Tiens, pour ceux qui veulent la façon plus humaine de se débarrasser des insectes, tu sais, quand t'as des insectes à la maison, tu vas souvent les taper avec un journal, avec une tapette à mouche. Mais il y en a qui veulent les relâcher dans la nature, il vous faut le Bugzooka. Moi, ça me prend ça. Ah ouais, hein? Parce que je suis du genre à prendre un verre puis une feuille de papier pour essayer de. Oh, les araignées, mettons. Ah, ouais, peut-être. Ouais, moins. Ça dépend, hein. Les fourmis. Ça dépend de mon humeur. OK. Les fourmis non plus. T'es donc bien pacifiste, sauf pour les fourmis et les araignées. Et j'ai mes préférés, tu sais. Je suis végétarien, sauf le poulet. Donc, il te faut cet aspirateur-là à 50$. Donc, c'est vraiment un aspirateur en baguette, si on veut, à bébite. Et ça vous permet d'être plus humain et pacifique. Ah ben. Eh ben. Ensuite, une canne de soupe. Oui. Aurais-tu déjà rêvé de boire dans une canne de soupe? Ah, un rêve d'enfance. Et là, t'as tout le temps les lèvres en sang à chaque fois que je le fais. Arrête ça, s'il te plaît, et achète Canne Cup. C'est un verre à boire réutilisable qui ressemble à une canne de évidemment de conserve pour légumes ou autres, mais c'est fait d'un stainless steel, donc acier inoxydable durable. Pas besoin d'ouvre-canne, voyons. Tu remplis de ton breuvage préféré, tu mets le couvercle de plastique inclus. Tu insères la paille. Super. Ça vient avec une paille. Et vraiment belle en plus, la paille. Très cool. Noir et blanc en diagonale, genre marbré si on veut. Ouais. C'est vraiment pas marbré, mais hachuré. En tout cas. Ben moi je trouvais marbré, tu m'aurais dit ça puis j'aurais compris. Enfin, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, tout le monde se comprend. Un damier diagonal. C'est ça. Bon. Ouais. On se comprend. Oh, on est tellement sur la même longueur d'onde. Tiens, on va rester dans les breuvages pour de la bière froide. C'est une nouvelle mode au Japon. Ça veut dire ça? La bière froide? Je te jure, nouvelle mode. Moi j'aimerais ça à chaque. Ils ont juste à écouter YouTube un peu là. Ouais. Ça, c'est tout le temps une annonce de. De bière froide. Ouais. Avec les petites montagnes de couleurs. Puis avec quelqu'un qui parle pas, là, c'est un ours qui est sur sa tête. Ah, tu as jamais vu l'annonce? J'ai vu le nom. Il me semble que j'en vois genre 15 fois par jour. Ah ouais. Tu vas sur YouTube plus sûr que moi. Oui. Donc, une nouvelle mode au Japon, c'est la bière super froide. Okay? Et Kirin, une compagnie de bière au Japon, une des plus grandes, concocte des slushs à la bière avec sa bière Kirin Ichiban pour les jardins de bière à Tokyo. Il y a des jardins de bière à Tokyo. Donc, la bière est transformée en une genre de mousse fouettée à l'intérieur d'une machine à slushy, OK, à slush. Et on donne ça vraiment comme un soft serve, là, comme de la crème glacée molle. Pareil. Dans une distributrice. Ça forme, tu mets ça sur de la bière froide normale. Donc, ils prennent de la bière froide, ils mettent ça dans un bock, ils vont faire comme la crème glacée ou une slush, rajouter ça dessus. Ça fait comme un floater chez AW. Oui, parfait. C'est vraiment pareil. Cool. Moi, je trouve l'idée vraiment géniale. C'est Frozen Beer Slushy Maker que vous allez pouvoir acheter pour vous faire ça à la maison. Et c'est directement Kirin, la compagnie de bière dont je parlais tantôt, qui vous vend ça. Pour avoir exactement la même bière qu'eux. La petite vidéo est vraiment cool et ça vous montre qu'est-ce que ça donne. Est-ce que tu as vu la photo de. Moi, la photo de la fille, là, 1, 2, 3, 4. La fille est très heureuse, même qu'elle a l'air un peu épaisse. Excuse-moi, oui, la fille, oui. OK. Je vais l'avoir, oui, non, en effet. Ah, la bouche grande ouverte. Donc, elle a versé sa canette de bière dans son verre et elle a rajouté la slush par-dessus. 61$ américains. Le shipping coûte 40$ US. Ah! Ça fait 100$. Youch. Ah, yoï, mais pour vrai, Japan Trend Shop, c'est leur tactique là, de shipper, même au Canada. Il s'est marqué « Yes, we ship to Canada ». Essayez d'acheter plus qu'une affaire pour que le shipping vaille la peine. Ouais. Pour vrai, ne faites-vous pas avoir avec ça. Mais pour, en tant que tel, moi, j'achèterais ce gadget-là. Il y a des jardins de bière. Fait que là, tu peux commencer le poème. « Ah, ma bière est un jardin de givre. » Ah, voilà, oui. « Ah, comme la neige de neige. » Non, des jardins de bière, moi, je préfère Banque Royale de bière. ouf, hein, ça vole pas. Spin Chill, pour changer votre breuvage tiède en breuvage froid en moins de 60 secondes. OK. C'est vrai, donc, c'est ça, les boissons. les boissons à température pièce, c'est plate. Hein. On peut les verser avec... on peut mettre ça sur de la glace, mais la glace, ça va un petit peu diluer le liquide. Hein. Donc, deux jeunes garçons de la Floride ont inventé, eux qui étudient en ingénierie, ont résolu le problème, en inventant le Spin Chill, qui est une drill opérée par pile qui s'attache sur le dessus, d'une canette de bière, d'une bouteille de bière, peu importe. Vous mettez la bouteille dans un contenant de glace avec de l'eau. Okay. Et vous allez commencer à driller. Et 60 secondes plus tard, tu vas avoir une boisson assez froide via un processus qui s'appelle la convection. Et donc, la canne, la canette ou la bouteille n'explosera pas lorsque vous allez l'ouvrir. Ne vous en faites pas. Ça demande 4 piles 2A. Ça peut être opéré avec une seule main. Donc, encore une fois, vous avez l'autre main libre. Pour faire d'autres choses. Le prix est 30$ sur spinchill.com. Spinchill love made of ice. Non, attends, c'est quoi la vraie chanson? Sweet dreams are made of beer. This is pin chill, it's made of beer. Ouais, c'est ça que j'essayais de... Eh ben, t'essayes vraiment beaucoup. Prochain, tu vas pouvoir l'essayer. Je réussis peut-être pas, mais j'essaye. Pas tant. L'autre, c'est un verre pour une demi-pinte. Tu sais, quand tu commandes une bière, une pinte, tu te tends à manger. Tu sais, des fois, une rousse ou une noire... tu tends après la moitié de la pinte. Mais là, justement, tu vas pouvoir avoir deux sortes de bières dans ta pinte parce que c'est une pinte faisant deux. Ah! C'est vraiment cool. Donc, c'est vraiment fait comme ça, le verre en tant que tel, une séparation entre les deux. Avec, il y a un morceau de vitre, mais qui empêche la bière de transférer de l'autre côté. C'est comme juste fait pour tenir les deux portions de verre. Parce que quand tu le regardes de côté, on dirait vraiment que tu as deux demi-verres qui flottent dans les airs. C'est vraiment cool. Ça coûte 15$ chez The Foundry. Ça fait jaser pendant la soirée avec la parenté. Voilà. Jusqu'à temps que tu vires le bord du mauvais côté, et là, ils voient le milieu. Ben, c'est ça. Ouais. On reste dans la bière. On dirait que c'est comme un bloc thématique. Si tu voulais mettre ta bière en dessous du sol pour la garder au froid à la place dans ton frigidaire, apparemment, ça fonctionne. Ben oui. Parce qu'en dessous du sol, c'est plus froid. C'est vrai. C'est ce qu'on dit. C'est vrai. Les fourmis. C'est vrai. Son frais, c'est frais. C'est un frais. Il me revient une autre blague d'inside que je ferai pas. Donc, gardez les températures assez froides pour boire votre bière sans utiliser d'électricité. Okay. Parce que c'est l'électricité qui coûte cher aussi dans la réfrigération, d'avoir un frigidaire à bière en tant que tel. Ben oui, ça peut coûter cher. Donc, à la place, il te faut le E-Cool Beer Cooler qui utilise donc la fraîcheur de la terre et vous avez accès à 24 canettes de bière. Quand même. En même temps. Donc, dans le fond, on dit que ça va pas geler l'hiver. Moi, c'est ce que je pensais, que ça allait geler l'hiver. C'est assez profond pour pas que ça gèle. C'est ça, exactement. Et on dirait que c'est seulement le dessus du sol qui va vraiment geler. Donc, les bières sont amenées via un tapis roulant, un conveyor belt, comme on l'appelle, ceinture de convoyeur, peut-être. Donc, la procédure d'installation est quand même assez simple. On doit utiliser donc une garden drill. Mais on peut aussi l'installer avec une pelle classique, là, c'est juste que ça va être plus difficile à faire. Donc, le cooler est envoyé dans la terre, isolé, et ça va maintenir tout le temps la même température dans le contenant au complet. Donc, une à 24, chacune de tes 24 bières va être à la même température. Le prix, c'est 285$. OK. Donc, ça vaut la peine si tu bois beaucoup, beaucoup de bière, j'imagine. Puis, mais c'est électrique. Il y a quand même une prise électrique, j'imagine, s'il y a un convoyeur. Ouais, c'est ça, s'il y a un convoyeur. Ouais, c'est peut-être manuel? Je sais pas, c'est une bonne question. C'est une très, très bonne question, en fait. Je sais pas. J'avoue que j'avais pas pensé au fait que ça pouvait être manuel. Je sais pas. Mais bon, c'est marqué 349 en spécial. Tantôt, on n'avait pas dit 200 quelque chose. Oui, non. Le prix, moi, je vois 285 ici. Ah, OK. Moi, je sais pas pourquoi c'est marqué 349. Je sais pas si c'est une question de conversion de dollars canadiens ou peu importe. Ça dit que ça n'utilise pas d'électricité. OK. C'est écrit sur leur site qui est eng.ecool.dk. Vous allez avoir des bières à l'année longue, nous dit-on, sans givre l'hiver. Ça calme ou refroidit votre conscience. C'est le meilleur cadeau qu'un homme pourrait souhaiter. 113 cm de hauteur. Donc, il y a vraiment plein de détails et les photos pour à l'appui. Donc, allez voir ça. OK, le prix de 349$ est effectif jusqu'au 30 juin 2014. Donc, j'imagine qu'il y avait un rabais plus considérable avant ça. Bon. En date de l'article qui avait été écrit. Le prix normal est 369. C'est bien pour faire ton frais, là, au milieu, en arrière de ta cour. Là. Ça reste cool. Ouais. S'il avait pu trouver une façon de le projeter comme un canon et que tu puisses l'attraper dans ta main. Directement sur ta table de dehors, ta table patio. ça te débouche, ça t'inverse. En tout cas, tout est le kit. Pour les amateurs de vinyle, il nous en reste que quelques-uns. On va terminer bientôt. Il vous faut le Spin Clean Record Washer. Mm-hmm. Je sais que toi, t'es rendu un nouvel amateur de vinyle. Depuis quelques mois quand même. Donc, c'est une boîte jaune, donc avec deux rouleaux de plastique. Il y a un liquide pour laver vos vinyles. C'est de l'eau mélangée avec de l'alcool et un petit peu de détergent. Alcool à friction. Le prix, est de 79$ avec une brosse genre de velours, nous dit-on, et une bouteille de Windex quasiment réétiquetée. Oui. Pour 79$, donc vraiment, vous pourriez utiliser une microfibre genre à vraiment beaucoup moins cher pour faire la même chose. Et en plus, c'est que c'est pas automatisé. Vous devez faire tourner vous-même le processus. Ouais, tu sais que c'est très drôle que tu parles de ça aujourd'hui parce que... ben, je suis sur un groupe, je pense que Québec Vinyle, quelque chose comme ça. Okay. Puis il y a quelqu'un qui lui a parlé de ça aujourd'hui même, parce qu'il vient de se l'acheter. Ah, pour mais il a dit que ça marchait très bien. Il était très surpris. Je sais pas pourquoi tu n'utiliserais pas juste un bac normal avec c'est de l'eau. Et il disait aussi d'utiliser de l'eau déminéralisée. Oh. Pour pas que les minéraux rentrent dans les trous et que ça fasse... Ouais, puis si tu prends du Perrier, prends pas le Perrier au melon d'eau. Non, c'est ça, donc ils disent que non. C'est pas déminéralisé partout du Perrier. Donc, Spin Clean sur Amazon, encore une fois, 80$, il en reste 7 en stock, dépêchez-vous. Tiens, un hamac, c'est bien le fun, un hamac. Un sac de couchage aussi, c'est le fun, mais si on mélangeait les deux ensemble, fusion. Tu vois, c'est quoi les mots déjà? Hamac, okay. Puis un sac de couchage. Un sac à main? Non, ça marche pas. Non. Un sac à main. Un hamsack? Un sac à jambon. Un sac à jambon. Donc, un mélange de deux choses ensemble, très utile. C'est donc une façon de se coucher et d'être au chaud lorsqu'il fait plus froid dehors. C'est du polyester emballé, enrobé de polyuréthane. Ça peut soutenir jusqu'à 300 livres de poids et c'est assez long, le sac de couchage, pour pouvoir le mettre par-dessus ton visage, dormir s'il fait trop soleil dehors. 70$ sur Kickstarter. Okay. En ce moment. C'est cool quand même. Plus utile pour le prix, sûrement, que le truc pour laver vos vinyles. Oui. Il y a des gens qui lavent leur vinyle dans le lave-vaisselle, non? Ah! Au froid? Peut-être. J'imagine. Je pense que ça se fait. À doux, genre? Ouais, genre. En tout cas. Moi, je sais pas si je me risquerais. Moi non plus. Dans un lave-vaisselle, là. Peut-être sur le rack du haut. C'est moins intense, je pense. Ouais, peut-être. En tout cas. Et le dernier, tiens, un concept qui va vous permettre de copier-coller les couleurs de votre vie. Les inventeurs Mark Barker et Robert Hoffman ont créé le Scribble Pen et le Scribble Stylus qui utilisent un sensor de couleurs. Et un processeur ARM9 pour copier-coller les couleurs du vrai monde. Donc, le Scribble Pen va vraiment copier la couleur en utilisant des cartouches remplissables de cyan, magenta, jaune, blanc et noir. Ensemble, on peut créer 16 millions de couleurs. Le stylet en français et le crayon vont avoir 1 gig d'espace mémoire, assez pour sauvegarder 100 000 couleurs. Les couleurs sauvegardées peuvent aussi être utilisées dans l'application mobile sur Bluetooth 4.0. Les utilisateurs vont pouvoir étiqueter, organiser et convertir leurs couleurs en format numérique et l'application va permettre de dessiner avec ces couleurs-là à l'intérieur. Le Scribble Pen va se vendre pour $150 américains. Le Scribble Stylus va se vendre pour $80. Donc, ce que j'essaie d'en comprendre, la différence entre le stylet et le stylo, c'est ça que j'ai de la misère à comprendre un petit peu. La compagnie donc va chercher des fonds additionnels. La compagnie de Barker et Hoffman va essayer de chercher des fonds additionnels via Kickstarter dans un futur approché. Mais pour l'instant, ils se vendent à ce prix-là. J'arrive pas à comprendre la différence entre les deux. Mais peut-être pas. Peut-être qu'ils ont juste fait une erreur d'écriture. Je sais pas. J'ai aucune idée. C'est vrai qu'ils en présentent deux. Ouais. Mais je pense que l'affaire, c'est que ça se transfère par Bluetooth, donc peut-être que ton stylo est-ce qu'il y a la capture. Ouais. Je pense que le stylo, il y a le scanner, puis après ça, tu peux écrire physiquement sur du papier. OK. Puis que le stylet, c'est se mettons sur ta tablette. Ah, c'est ça, exact. C'est sûr que c'est ça. Oui, parce qu'on disait qu'il y avait des cartouches cyan magenta, donc tu peux écrire sur du papier. OK, j'ai pas ça. Tu peux transférer probablement avec ton stylet, puis mettons, tu sais, t'es en graphisme, mais là, tu fais comme... Merveilleux. Ça a l'air cool. Je trouve ça vraiment hot parce que, mettons, tu fais imprimer une grosse affiche. Ouais. Puis t'as fait une petite erreur dessus. Puis là, tu sais, t'es obligé de. Mettons, ça coûte $150 faire un gros coroplace. Ouais. Mais là, tu peux juste corriger ça à main, là, mettons, à mi-temps. Tu fais la couleur direct. Tu effaces, mettons, le S que t'as mis trop ou. T'as fait une erreur. J'aime ça, le S que t'as mis de trop. Et ça, c'est vrai que ça arrive. Rendez-vous compte de votre erreur avant d'envoyer l'impression. Oui. Mais ouais, donc les liens sont sur assemblagerequis.com. C'est très, très cool tout ça. Je pense qu'on avait dit tantôt qu'on allait choisir chacun notre gadget préféré de la semaine. Oui. Puis en fait, un préféré puis un que je veux te donner. OK. J'ai envie d'en avoir deux, Mathieu. Et vas-y. Cette semaine. J'aime bien le crayon. Oui, je le trouve cool. Je trouve ça vraiment hot. OK. Puis, écoute, juste pour le trip, là, je vais me faire installer une télé aussi dans ma douche. Ah, oh, cool! Ah, j'aime ça. Moi, qu'est-ce que je veux, moi, personnellement, pour moi, je vais dire la lampe nuage. Je la trouve vraiment belle. OK. Et je te donnerais, moi, je pense que je te donnerais, si j'avais l'argent de tout le monde, le truc pour la bière froide dans le sol. Ah, que ça aurait l'air cool. Ben oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu fais ça des barbecues. Ben oui, ça fitrait au bout. Puis, en fait, ce que je ferais avec la télé, je l'installerais dehors. Oui. Mais oui, tant qu'à l'installer, je veux pas l'installer genre vraiment dans ma douche. Ouais. Mais je vais l'installer dehors. C'est plus simple à installer que de faire venir le gars pour l'installer dans la douche. Ben oui. Voilà, assemblagerequis.com pour tous les liens. Ah, puis je t'achète quand même aussi le drapeau de Mario. Ah, t'es fin. Ah, puis je vais le couper à la main, moi. Ah oui, pour faire des escaliers. Ouais. Merci, JP. De rien. On prend une petite pause. Au retour, on a. Qu'est-ce qu'on avait? Ah oui, je vais faire la nouvelle chronique, le plus tard. On va parler de pluie tantôt. Non, c'est pas vrai. Reste là. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Toujours à son âge requis. Jean-Philippe Charbonneau est là. Mathieu Plante aussi. Oui, ben il était pas sûr d'être là. Il a comme pris 2 secondes pour se rendre compte qu'il était pas là, mais il est là. Non, j'étais là. T'étais là? J'étais là. Dans quelques instants, on va attraper ce qui tombe à travers les cracks dans le puisard. Mais pour l'instant, c'est New York de Pai Pai. Il y a des oiseaux à New York. Il y a les oiseaux, ils sont. Elles sont partout. Les touristes, ils ont tout un appareil photo, t'as vu. Bloop, bloop, bloop, bye bye, New York. Ouais. Chanson bizarre. Quand même, mais Pai Pai, c'est bizarre. Oui, c'est bizarre, mais c'est le bon genre de bizarre. Oui, exactement. Vous êtes toujours à Assemblage Requis. Tantôt, je vous ai dit qu'on avait une nouvelle chronique, encore une fois, jamais assez pour moi. Tout le temps bon d'avoir quelque chose de nouveau. Pourquoi pas y aller avec le puisard du hasard. J'ai hâte de t'entendre là-dessus. Là. Quand une nouvelle passe à travers les cracks, c'est-à-dire que c'est pas du tout un fait, c'est clairement pas un gadget inutile, donc c'est pas ça que ça répond là, c'est pas King Sexy Time, c'est pas les Television, c'est pas les chroniques que je fais à Assemblage ou à Mathieu Plante. Show. Mm-hmm. Il n'y a juste pas de chronique où mettre ces affaires-là, donc je me suis dit, je vais ramasser tout ça comme un tamis, comme une passoire. Oui. Et faire une chronique avec ça. Ah. Pas tout le temps, mais quand ça arrive. Ben quand oui, ça c'est tombe. Fun. C'est cool. Donc allons-y pour l'instant, pour commencer, avec un restaurant qui offre des tables pour les gens qui mangent seuls. Tu sais, des fois, tu vas au restaurant, moi, je suis rendu seul dans tout et partout dans la vie. Je fais tout seul. Là. Et je me sens loser un petit peu des fois. Je me sens jugé. Oh. Des fois. Donc, je devrais aller à ce restaurant-là à Amsterdam. C'est deux agences de designers, Van Gogh et Van der Young, qui se sont assemblées pour éliminer le problème en créant Enmal, qui est le premier restaurant pour les personnes seules. OK. Donc, c'est une place, on appelle ça un pop-up. Donc, c'est quelque chose qui ouvre dans une boutique qui est fermée. Comme, mettons, au Carrefour de Trois-Rivières-Ouest, tu aurais peut-être le choix de 40 boutiques qui sont fermées. Tu pourrais ouvrir ce restaurant-là. Donc, il y a 10 tables, une par personne. Donc, c'est Marina Van Gogh, une designer qui aime faire des projets avec un impact social, qui voulait rendre ça donc culturellement acceptable de manger ça. Enmal, c'est un mot hollandais qui veut dire une fois et ça veut aussi dire un repas. C'est comme un jeu de mots. One meal, one time. Ouais. Donc, ça change d'endroit tout le temps, dans des endroits inutilisés, dans des centres commerciaux, etc. Donc, avec une grande fenêtre à l'avant et très peu de décoration pour éviter les distractions. Aussi, les murs sont nus. Il y a une musique très, très douce qui joue. Et il n'y a pas de Wi-Fi. On demande de ne pas utiliser ton téléphone cellulaire. On t'encourage à lire des livres ou des magazines à la place. OK. Le menu coûte 50$, c'est comme un one size. Ouais. Ça inclut la boisson, la nourriture du chef Leslie Drunker, qui aime les affaires là, super fraîches, organiques, biologiques, ingrédients locaux, etc. Depuis le début de l'année passée, le succès de Enmal a surpassé les attentes des fondateurs. Les endroits donc temporaires, il y en a eu 6 jusqu'à maintenant. Ça change à chaque mois environ. Des informations sur leur site web qui est enmal.com. Et plus tard cette année, ils vont commencer à ouvrir ça à l'international, donc à Londres, à Berlin, à New York, on pourrait s'attendre à avoir une localisation, un endroit sûrement au Québec un jour. Mm-hmm. On flirte aussi avec l'idée d'ouvrir un endroit permanent. On a aussi augmenté la marque, dans le fond, les produits que la marque fabrique pour les personnes seules. Leur premier article, c'est une bouteille de 375 ml de champagne qui n'est pas à partager. Not for sharing. Ça s'appelle le Enmal Boucher. C'est disponible déjà pour les repas en restaurant, mais ils vont les vendre aussi en magasin. Il va aussi y avoir des barres de chocolat pour une seule personne. Ben là, ça sont déjà pour une personne. Ben c'est ça. Des Kit Kat, ça va être un gros bras. Ah ben, ils l'ont déjà. Ben oui, ça existe déjà, c'est des Kit Kat Singles. Et des produits du thé aussi qui vont s'en venir un jour. OK. C'est cool, je trouve. Moi, j'aime vraiment beaucoup cette idée-là. C'est Enmal. Ouais, c'est pas fait. Ensuite, il y a eu un bug sur Netflix récemment. On a parti un blog pour en rire un petit peu. Donc, c'est un programmeur basé à Washington, D.C., Bob Lannan, qui a découvert ce bug-là sur l'application de Netflix, sur sa télé. Le bug faisait que la dernière phrase d'un résumé d'une émission était switchée, échangée avec la dernière ligne du prochain programme. Ah. Okay? Pendant un bout de temps, ça faisait des phrases bizarres. Par exemple, une phrase au hasard comme ça, je cite, « La réalisatrice Sophie Fiennes et le philosophe Slavoj Žižek partent en voyage jusqu'à l'épicentre de l'idéologie via leur interprétation d'un besoin de se battre avec le Green Goblin. » Oh. T'sais, ça va pas ensemble. Non. Ou encore, la présentation des choses les plus dévastatrices de l'histoire. La World Wrestling Entertainment compte les expériences d'enlèvement extraterrestre. Donc, on a comme vraiment oui, mélangé deux choses. Donc, on a ça sur Twitter. C'est Summary Bug, SummaryBug. Et sur la page Tumblr, summarybug.com, tout court. Donc, c'est vraiment juste un bug de résumé sur Netflix. Très drôle. Ensuite, penser avant de manger va rendre ta nourriture plus intéressante. Des fois, ça peut être difficile de résister à un plat. Aussitôt qu'il arrive sur la table, tu veux tout manger en même temps. Mais une recherche nous apprend que ce serait mieux d'attendre un petit peu. Donc, dans des conditions expérimentales, les chercheurs ont donné aux participants des instructions très spécifiques. Ils devaient consommer une barre de chocolat sans déballer la barre de chocolat. Il fallait la briser en deux. Ensuite, il fallait déballer une moitié de la barre, la manger, et ensuite déballer l'autre moitié et la manger. Donc, on a comparé les participants qui n'avaient pas reçu d'instructions au groupe qui avait reçu des instructions, hein, ceux qui... bref. Et selon les tests, le groupe a dit qu'ils aimaient plus leur expérience, qu'ils avaient plus envie de payer plus cher pour la barre de chocolat. Et ils ont même dit que la barre de chocolat goûtait meilleure quand il y avait une attente, quand ils suivaient les instructions. Donc, ça veut dire que prendre une minute pour vraiment savourer ta nourriture peut avoir un impact énorme sur comment t'aimes ta nourriture. Donc, tu devrais peut-être prendre une pause pour sentir ta nourriture, un peu comme les religieux font en disant la grâce, hein, comment on appelle ça? La bénédiction, c'est ça, exactement. Donc, ils prenaient plus de temps pour sentir et apprécier leur nourriture. Il y en a qui vont préférer prendre une photo de leur bouffe et poster ça sur Instagram. Hashtag foodies. Hashtag foodies. Bon, au moins, ça a un avantage quand même. Ah, ils font cool. Ça pour eux. Hein? Et voilà. Pas pour les autres. Mais non. Ensuite, tiens, je me suis toujours demandé pourquoi est-ce qu'on avait... que les étudiants ont congé l'été. Oui. Tu sais, on se demande pourquoi. Ben, ça a des racines au 19e siècle. En fait, c'est ça. Les gens pensaient que ça avait rapport avec le 19e siècle où les gens prenaient le temps de travailler à la ferme l'été, mais c'est pas vrai. Avant la guerre civile, les enfants sur la ferme n'avaient jamais l'été de congé. Ils allaient quand même à l'été pendant les mois les plus chauds et les plus froids de l'été. Ils restaient à la maison pendant le printemps et l'automne quand on avait besoin de planter, faire la moisson, là, ces affaires-là. Pendant ce temps, les enfants qui étaient à... dans la ville, eux étudiaient toute l'année à l'année longue. Mm-hmm. En 1842, une année académique à Détroit durait 260 jours. Mais plus les villes étaient denses, plus il faisait chaud. C'est là que donc les familles moyennes ont commencé à partir pour la campagne pendant la saison chaude. Et ça a causé un gros problème, c'est qu'il n'y avait plus personne qui se présentait à l'école. Parce qu'il n'y avait pas d'obligation d'aller à l'école à ce moment-là. Donc les classes étaient à moitié vides pendant l'été. Donc ceux qui font les lois ont commencé à se battre par rapport à ça. Ils ont dit que les enfants devraient avoir les étés de congé de toute façon. Donc, ça a aidé, évidemment, que culturellement parlant, les temps de loisirs étaient de plus en plus importants dans la société. Avec l'arrivée des syndicats et les semaines de travail, les journées de travail de 8 heures, les adultes commençaient à avoir plus de temps pour eux, plus qu'avant. Et ceux qui argumentaient pour les temps de vacances disaient incorrectement que le cerveau était un muscle et que, comme n'importe quel muscle, on pouvait souffrir de blessures si on surutilisait son cerveau. C'est ce qu'on disait. Donc, on disait que les étudiants ne devraient pas aller à l'école toute l'année parce que ça allait leur faire mal au cerveau. Et en plus, l'air conditionné n'était pas encore là. Donc, c'était encore plusieurs décennies avant qu'on puisse avoir l'air climatisé. Et les écoles, l'été, étaient comme des fours. Des fourneaux. Donc, quand on a changé de siècle, on dit qu'on a réussi à enlever environ 60 jours d'école pendant l'été. Et les écoles de campagne ont adopté le même pattern pour évidemment être timé avec les autres. Les hommes d'affaires, les femmes d'affaires voyaient une opportunité là-dedans. Donc, le blitz pour donner de plus en plus de jours de vacances a commencé. Et ça a amené à des industries qui font des milliards de dollars sur les vacances des gens. Eh bien, bien sûr. Tout le début, ça. Mais ça. Il y a un truc pour le clavier sur l'iPhone. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué. Des fois, tu perds ton temps en tapant. Mettons, tu veux taper une phrase marquée « Allô » et tu vas faire un point d'exclamation en cliquant sur le bouton 1, 2, 3. Puis après ça, tu vas faire point d'exclamation. Puis tu vas recliquer sur ABC pour revenir dans ton clavier. Oui. Tu remarques que tu as perdu beaucoup de temps avec ça. Oui. Mettons « Allô ». Allô, point d'exclamation, c'est 3 clics. Le bouton 1, 2, 3 pour faire point d'exclamation, oui. Puis le bouton ABC pour revenir. Bon, il y a une façon plus simple. Si tu tapes Allô et que tu tiens le bouton 1, 2, 3 et que tu vas vers le point d'exclamation et que tu le lâches, tu vas juste avoir fait un clic en tant que tel. Donc, tu vas tenir ton doigt sur le bouton 1, 2, 3, tu vas draguer ton doigt vers le symbole que tu veux. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un commercial, un chiffre, un signe de dollar. Et tu lâches et ça va revenir automatiquement à ton clavier ABC. Ben oui. C'est vraiment cool. Hein? C'est cool. Pour vrai, donc juste à tenir votre doigt sur le bouton, ça va faire la job. Donc ça, c'est ce que j'avais trouvé de cool. Et finalement, il y a une nouvelle mode, ça veut dire ça, de mettre du beurre dans ton café. Yeah. C'est vrai. Donc, une nouvelle mode, apparemment que ça va booster ton cerveau, mais pas n'importe quelle sorte de beurre. Donc tu remplaces la crème et le sucre par du beurre de vache qui ont été nourris au gazon. OK. C'est le seul type de beurre que tu devrais prendre. Donc il y a entre autres le beurre Kerrygold. Qui, on nous dit sur Internet, est disponible dans certaines épiceries. Je sais pas s'il faut des épiceries un petit peu plus sophistiquées, style végétarien, des trucs comme ça. Mais chercher du beurre fait de lait de vaches qui ont mangé que du gazon et non pas, d'autres affaires. Il y a plein d'affaires. Il y a des vaches qui sont nourries au maïs, des affaires comme ça. Il ne faut pas prendre ça. Ou au soya, qui est beaucoup moins cher d'habitude. Mais bon, les vaches sont pas supposées manger ça, même qu'ils ont de la misère à digérer le maïs et le soya. Et leur lait a plus de gras que tu veux pas dans ton corps. Bref, les vaches qui sont nourries au gazon vont produire le meilleur lait et le meilleur bœuf, nous dit-on. Et le beurre qui est fait à partir de ces vaches-là est aussi bon au goût. Donc, il y a quelques raisons. Et là, évidemment, je voulais les lire un petit peu, mais ils sont comme super compliqués. Il y a plein de termes que je connais pas. Mais le beurre de vache nourri au gazon a la bonne sorte de gras et ça va aider à régulariser ton cholestérol au lieu de n'ajouter. Ah, OK. Ça a le meilleur ratio d'oméga 6, oméga 3, acide, je sais pas trop quoi, là, je connais vraiment pas ces mots-là. Une bonne source de vitamine K. Et selon les études, ça va réduire le risque de maladie du cœur. Boire ça chaque matin, ça va mettre votre corps dans une routine pour brûler du gras toute la journée. Ça va vous aider donc à perdre du poids. Ah ben. Nous dit-on. Ça coûte combien une motte de beurre comme ça? Je sais pas combien ça coûte, en effet. Mais on dit de mettre 2 cuillerées à table de beurre dans votre café. Ça va être assez pour remplacer un déjeuner au complet. Ça va donc être une bonne alternative pour les gens qui sont sur la route, qui partent très tôt le matin, qui n'ont pas le temps de déjeuner. Ça va donner à votre corps les gras essentiels et les calories qu'il faut pour mieux performer et avoir votre cerveau un petit peu plus allumé aussi. Donc, à vous mélanger avec votre café, c'est important aussi. Le goût, évidemment, est important. Ça donne un goût crémeux. Et ça donne une impression d'énergie de plus dans votre corps. Donc, une recette à essayer. Allez voir la petite vidéo. Le gars est super fendant et prétentieux. Là. C'est lui qui a inventé comme son café spécial. Puis il met ça dans une machine spéciale, un blender spécial. Mais bon, juste au moins de savoir que ça existe, allez vous renseigner sur mettre du beurre de vache nourri au gazon. .com. Exact. Mais je trouvais l'idée drôle. Ah oui, c'est sympathique. Et en effet, ça fitait dans aucune autre chronique. Oui. Voilà. On vient de récupérer un petit peu quelques déchets dans le puisard. Ah, c'est bien. Du hasard. Tu sais que je suis allé à Sept-Îles il y a quelques années. Mm-hmm. Puis, tu sais, les genres de... je pense que c'était ça, les genres de puisards. Mais tu sais, les égouts d'eau. Là. Ouais. Là-bas, il y a des pancartes, c'est des trous d'hommes. Ah, trous d'hommes. C'est des trous d'hommes. Comme en anglais, manhole, mais en français, traduit littéralement. C'est des trous d'hommes. Fait que ton puisard, c'est un trou d'homme. Ben, en effet, quand c'est rempli d'hommes, it's raining, man. Hallelujah, it's raining. C'est pas Gloria Gaynor, ça, qui dans... Non, qui chante ça. C'est qui fait ça, it's raining, man? It's raining. Oh, qui va l'avoir en premier? Oh. Ah, j'ai fait plein de fautes. Oh, non. C'est The Weather Girls. The Weather Girls. It's raining, man. / YouTube. Génial. Dans son album Success. Ouh! Paru en 83. Ouais, Success. Une chance qu'il n'y avait pas de pluriel. Successes? Successes. C'est juste un succès, je pense, pour les Weather Girls. Au retour, les instructions d'assemblage et Mathieu Roy. Mais je pense que toi, tu nous quittes. Oui, ça va être... c'est mon heure. Merci, Dubi. Je laisse ma place à Mathieu. À un autre Mathieu. À plus tard, oui, un autre Mathieu. Oui. On se revoit bientôt. À bientôt. Bye, Mathieu. Bye. FOU 89.1, la radio des étudiants de l'UQTR. C'est fou, ça! Vous êtes à Assemblage Rocky, l'émission estivale en pièces détachées. Je m'appelle Mathieu Plante. Pour la dernière heure, on va voir Mathieu Roy tantôt avec sa chronique Mathieu Roy-Bajois, sa chronique humoristique qui nous explore un petit un sous-thème, une sous-branche de l'humour. La semaine passée, on a parlé du sarcasme, de l'ironie, un truc comme ça, humour noir. Humour noir, je pense que c'est pas vraiment du sarcasme nécessairement, mais ça peut l'être. Alors, on va parler de ça avec lui dans une demi-heure environ. On va aussi avoir les instructions d'assemblage dans quelques instants pour apprendre à mieux vivre. Mais tout de suite, en musique, on écoute Jacques Maure. Voici Père Hippie sur C'est fou 89.1 FM. Jacques Mort et Père Épi à Assemblage requis. Vous savez, dans la vie, Père Épi, ça te dit quoi faire des fois, un père. Hein? Une mère aussi. Mais je vais faire un petit peu la même chose, parce que voici les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulez-les ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. C'est les instructions d'assemblage. On vous dit un petit peu comment vivre. Et on a quelques phrases, des fois, un petit peu cute, des phrases qui veulent pas dire grand-chose, mais en même temps, des fois, veulent tout dire. Hein? Par exemple, moins vous vous plaignez, plus les gens vont vous écouter quand vous allez vous plaindre. C'est une vraie chose. C'est vrai, ça. Une des choses qui sont les plus importantes à apprendre, c'est de savoir dire non sans t'expliquer. Hein, ça aussi, c'est une belle petite phrase cute. Parce que quand tu t'expliques, les gens vont juste... ils vont trouver ça insignifiant. Des fois, tes raisons sont peut-être mauvaises. Fais juste dire non, puis sois confiant que ton non, ben, c'est parce que c'est le même, puis ça ne te prend pas de le faire. Bon, non! Hein. Ne vous laissez pas contrôler par trois choses. Les gens, l'argent et les expériences du passé. Apprenez à oublier le passé. C'est cute. Pour que vos oreillers restent, tu sais, fluffy, gonflés, vous pouvez mettre des balles de tennis dans la sécheuse avec vos coussins, nous dit Internet, évidemment, tout ça, selon Internet, des balles de tennis avec vos oreillers pour les garder fluffy, vos coussins, vos oreillers, des trucs comme ça. Je devrais l'apprendre un petit peu, tu sais. Parce qu'en effet, je le fais souvent, de jamais blaguer sur le nom de quelqu'un. Ils l'ont entendu probablement 1000 fois et ils vont instantanément dire que t'es un de ces gens-là qui font des blagues sur mon nom. Tu sais, mettons, tu sais, Couillard, tu sais, ou Chiasson, tu sais. Ces noms-là, ils les ont tous entendus. Tu sais, si, mettons, vous faites un jeu de mots original, tu sais, comme, mettons, William Lamontagne, tu dis grimper au sommet avec William Lamontagne, c'est un bon jeu de mots, tu sais. Ça, vous pouvez, ça, c'est ma marque de commerce à moi. Bon. Je m'excuse d'ailleurs pour ces jeux de mots-là. Ça, j'aime ça. Une phrase, un slogan qu'on pourrait dire, tiens. Si Internet Explorer peut être assez brave pour te demander si tu veux vraiment de lui comme furteur par défaut dans Windows, tu sais, t'es capable toi aussi d'oser demander à une fille de sortir avec toi. T'sais. S'il est assez brave, Internet Explorer, pour oser te demander ça, alors que clairement, tu veux jamais de lui. Quand une porte ferme, une autre ouvre, ça on le sait, hein, mais souvent, on prend tellement de temps à regarder la porte fermée qu'on ne voit pas qu'une autre porte s'est ouverte pour nous. Ah! Il y en a des vraiment mauvais, comme toujours. les trois phases de la vie. Quand t'es jeune enfant, tu veux pas dormir, mais t'es obligé. Tu veux tout le temps 5 minutes de plus. Quand t'es adulte, tu veux dormir, mais t'es pas capable de dormir. Comme moi, en ce moment, qui dort 3 demi-heures par nuit. Et quand t'es personne âgée, tu veux pas dormir, mais t'arrêtes pas de dormir, tu t'endors pas. Ah, c'est ça, les trois phases de la vie. Je tombe sur des belles. T'sais, des fois, je trouve ça quétaine, mais des fois, je trouve ça vraiment le fun comme phrase. Le gazon est toujours plus vert de l'autre côté de la clôture parce qu'il est souvent fertilisé avec de l'engrais. Ah, et là, on voit un champ. Faire ses aigles de l'engrais. C'est rempli de marde, c'est ça que ça veut dire. Utiliser une poule, une piscine gonflable, minuscule, une mini piscine gonflable, pour comme terrain de jeu pour vos enfants, vos bébés. C'est piscine gonflable dans le salon, comme ça vous assurez qu'il n'y ait pas d'accident. C'est cool. Si tu commences à manquer de piles sur ton téléphone cellulaire et que tu n'as pas besoin de ton téléphone, plus tard, n'éteins pas ta batterie pour essayer de conserver de la batterie. À la place, parce que ça, quand tu vas le rallumer, ça va gaspiller de la batterie. Et si, mettons, t'en as besoin. Donc, à la place, mets-le en mode avion. Ça va vraiment limiter la pile, la prise de courant. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Aujourd'hui, je dis un petit peu n'importe quoi, donc je continue comme ça. N'ayez jamais peur de dépenser un petit peu plus cher, un petit peu plus d'argent sur deux choses. Un lit et des souliers. Parce que si t'es pas dans un, t'es sûrement dans l'autre. Si t'es pas dans ton lit, t'es sûrement en soulier. Si t'es pas en soulier, t'es dans ton lit. Donc, dépenser un petit peu plus d'argent sur ces deux choses-là. Si vous avez besoin de remonter votre morale et votre confiance en soi, prenez une pause à la Wonder Woman. tu sais, les deux points à côté sur les hanches, comme on a souvent vu Wonder Woman. Une recherche des États-Unis nous apprend que rester bien, bien droite en tant que personne droite, avec les bras, les poings sur les hanches et les jambes bien séparées, ça va ouvrir ton torse et ça va augmenter l'hormone de testostérone, assertive hormone testosterone, tout en réduisant les niveaux de stress du cortisol. Quelques minutes dans cette pause-là devraient être assez pour faire le travail. Le popcorn va mieux éclater lorsqu'il va être mis dans des endroits froids, comme le réfrigérateur. Donc, gardez vos grains de popcorn froids à la place de dans l'armoire. Est-ce que j'ai envie de faire des recettes en disant que j'ai pas envie de l'expliquer? C'est un bon leader, un bon chef va prendre un petit peu plus que sa part du blâme et un petit peu moins de sa part nécessaire de crédit. Donc, à la place de tout le temps prendre le crédit pour tout, il va en prendre un petit peu moins. Et à la place de tout le temps prendre le blâme comme à la normale, il va en prendre un petit peu plus. C'est un bon leader. Si t'es à la diète et que t'as envie de junk food, on nous donne la règle de deux bouchées. Donc, tu prends deux portions, deux bouchées de ce que tu veux. Tu vas te remplir avec un bon verre d'eau. Donc, pour commencer, OK, tu prends deux bouchées. Tu vas te remplir d'eau froide. OK, je pense que c'est mal expliqué. Tu vas boire un verre d'eau. Ensuite, tu vas prendre ta première bouchée, encore de l'eau. Tu vas attendre deux minutes. Ensuite, tu vas manger ta deuxième bouchée, ce qui va satisfaire ton envie. Tu vas faire passer à ton corps qui va te remplir de junk food, de mauvaise nourriture. Ah, tiens, je vais faire une recette ici. Prends du pain en tranches, des tranches de fromage, du beurre et de la soupe. Tu vas aplatir le pain avec un rouleau à pâte, un rouleau de pâtisserie. Tu vas mettre une tranche de fromage. Tu vas rouler le tout. Tu vas mettre ça à feu moyen. Tu vas faire fondre du beurre et tu vas placer donc ce que tu viens de concocter dans ta poêle. Et tu vas faire dorer ça, faire fondre le tout et ça va être délicieux. Et pour vrai, je pense que j'ai envie de l'essayer ce soir. Ça dit de rajouter un petit peu de soupe aux tomates, de soupe de peu importe le genre, pour accompagner comme petite trempette pour tes roulés de grilled cheese, tes bûches de grilled cheese, si on veut. Ça a l'air très très bon. Ensuite, le quadratus lumborum, c'est un muscle qui va causer les problèmes de douleur dans le bas du dos quand tu ne t'étires pas assez. Donc, le quadratus lumborum doit être étiré tous les jours, nous dit-on, surtout si vous restez assis toute la journée. Donc, faites des exercices pour ça. Cherchez quadratus lumborum. Ça va vous le corriger sur Google, c'est ça. Donc, c'est entre autres de s'écarter les jambes assis. Et de te tordre le dos vers la droite ou vers la gauche en prenant tes pieds avec tes mains, entre autres pour entraîner ton quadratus lumborum. Le monde est un endroit dangereux, non pas parce que... c'est ça, non pas à cause de ceux qui font des choses méchantes, mais plutôt à cause de ceux qui regardent et qui ne font rien. Ne soyez pas cette personne, c'est une autre phrase cute. Quand vous avez de la difficulté à défaire des nœuds dans un sac, par exemple un sac d'épicerie, vous avez fait des nœuds quelque part, à la place d'essayer de défaire le nœud, vous avez juste mettons que votre nœud est fait comme une boucle, ok, à la place d'essayer de défaire le nœud juste en tirant dessus, tordez le bout qui sort à la fin de ce nœud-là, tordez-le le plus possible pour qu'il devienne vraiment, vraiment contenu sur lui-même, vraiment twisté pour qu'il soit très, très solide. Et poussez ce bout solide-là vers l'intérieur du nœud et ça va être beaucoup plus facile de le défaire. Voilà, c'est ce que ça voulait dire. Il fallait juste tordre et pousser. Une étude nous apprend que les gens sont beaucoup plus heureux lorsqu'ils dépensent leur argent sur des expériences à la place de choses matérielles, donc à la place d'acheter des choses, acheter des visites à quelque part, des musées, des trucs comme ça. Si votre clavier d'ordinateur est sale, une canette d'air, c'est bien le fun, mais vous pouvez aussi utiliser un papier post-it pour nettoyer l'intérieur de votre clavier, donc en faisant passer la bande qui est gommante entre les touches de votre clavier, ça va enlever bien des saletés. Si quelqu'un vous donne un compliment, laissez pas genre tomber en disant oh non, c'est pas vrai, je suis pas vraiment, je suis pas si bon, je suis pas si drôle que ça, je suis pas si bon au dessin que ça. À la place, ça va faire que la personne qui vous donne un compliment va se sentir mal. Et ça va faire comme si son opinion n'était pas importante. À la place, acceptez les compliments. Donc, quelqu'un te dit t'es bon en dessin, tu vas dire merci. Ça va augmenter ta confiance en soi, ça va montrer que tu apprécies la personne et ça va améliorer leur estime de soi aussi. Quelqu'un qui a fait un CV, tiens, il a emballé son CV autour d'une barre de chocolat. très bonne idée. Et il a remplacé les valeurs nutritives par, par exemple, bon, leadership 100%, créativité 100%, motivation 100%, versatilité 100%. Et bon, peut-être qu'il y en a mis un petit peu. Et question ou commentaire, c'est dans le coin des barres de chocolat, il y a souvent question ou commentaire. C'est l'adresse courriel de la personne et son numéro de téléphone. Donc, si vous êtes un petit peu, si vous êtes un petit peu bon en design, peut-être faire votre propre resume bar, votre barre de CV. Tiens, trempez des fraises dans des guimauves et ensuite faites-les rôtir sur le feu au camping. C'est une bonne idée, ça. Donc, une fraise entourée de guimauve. Ça va être la guimauve qui va prendre la chaleur de la flamme qui va griller. La fraise va un petit peu chauffer. Mais ça devrait être délicieux dans la bouche. Si vous avez besoin de transporter beaucoup de verres, de boissons, vous revenez d'une run au café du coin. Prenez un bac, tout ce qu'il y a de plus classique, un bac de plastique, là, pas nécessairement très très gros, et juste de la bonne grandeur pour faire entrer un rack à muffins, un truc pour faire cuire les muffins, et vous allez pouvoir mettre vos verres dans le rack à muffins, qui lui va être dans le panier, vous allez pouvoir transporter facilement le panier. Parfait pour la voiture, ou pour les minivans, je sais pas trop quand. On a parlé tantôt de pain au fromage pour faire un grilled cheese dans la poêle. Ça avait l'air génial, mais regardez celui-là comment il a l'air encore plus génial. C'est d'aplatir encore une fois votre tranche de pain, la couvrir de beurre d'arachide, rouler ça autour d'une banane et trancher ça comme des sushis. Ah ah! Ah ah! Et vous pouvez même, si vous voulez, rajouter un petit peu de miel par-dessus. Donc, tranche de pain aplatie, beurre d'arachide, enroulé autour d'une banane, tranchée et ensuite trempée dans du miel. Ou encore du sirop d'érable. Ça et l'autre au fromage tantôt, je pense que ça va être ma fête cette semaine. Il y a des notes, ici c'est un petit peu, pas un gadget, mais quelque chose que vous pourriez acheter. Cherchez ça, c'est des post-it en forme de fantôme, et c'est que les post-it sont du papier très très mince, et vous pouvez coller les fantômes sur un livre et surligner sur... le fantôme. Donc, mettons, vous avez des bouts dans un livre de bibliothèque que vous voulez surligner. Vous collez le fantôme transparent sur la page et vous surlignez sur le fantôme. Pour vrai, l'idée est vraiment grandiose. Donc, c'est des Ghost-It Notes à la place de Post-It, Ghost-It Notes. Cherchez ça et appropriez-les-vous. Vous voulez. Une autre recette, c'est de mélanger ensemble deux tasses de Cool Whip, 6 cuillerées à table de Nutella, une tasse de lait. Et vous versez ça dans des moules à popsicle, vous faites congeler quelques heures et ça vous donne des petites barres Cool Whip et Nutella. Ça a l'air fantastique. Une façon de bien couper votre ananas. On a parlé la semaine passée de comment couper votre melon d'eau. Pour l'ananas, c'est super simple. Vous enlevez le dessus et le dessous. Il y a d'autres techniques, là. J'avoue que c'est pas nécessairement la technique que les gens utilisent d'habitude, mais coupez ensuite en deux de façon verticale votre ananas, et ensuite encore une fois pour faire des quartiers, et après ça vous pouvez y aller et faire des cubes après ça. Ça va être beaucoup plus facile que de faire la méthode que d'autres gens utilisent là, en anneaux et autres. Donc façon facile de trancher votre melon d'eau. Il nous en reste vraiment très très peu, donc on va se dépêcher là-dessus. Dans un restaurant nommé McDonald's, peut-être que vous connaissez, petit restaurant de quartier. Achetez 3 fois 4 morceaux de McCroquettes, c'est le même prix qu'un emballage de 10 McCroquettes. Et si vous comptez bien, 3 fois 4, ça fait 12. Donc vous en avez 2 bonus, c'est le même prix qu'un emballage, une boîte de 10 McCroquettes. Faites le calcul, ça vaut la peine. On a beaucoup de recettes aujourd'hui. Une autre très bonne recette, c'est d'aplatir de la pâte, ajouter du pepperoni dessus et du fromage, et ensuite rouler ça. Et ensuite, faire griller ça au four, ça va faire comme des... vous allez pouvoir faire des rondelles après ça, comme des genres de mini-pizzas, mais avec beaucoup moins de travail à faire que de vraiment garnir chacune des mini-pizzas. On s'entend que les petites mini-pizzas, des fois, ça peut être long à faire sur un petit pita. Donc, une grande pâte, pepperoni, fromage, vous laissez. Vous pouvez évidemment ajouter ce que vous voulez là-dedans. On a dit tantôt comment trancher un ananas. Comment trancher un avocat maintenant? Donc, on dit de couper l'avocat en moyen. Colin, concentre-toi sur comment parler. En moitié. Enlever les moitiés. On parle verticalement. Vous enlevez avec un couteau le noyau qui est évidemment à l'intérieur. Vous tranchez à travers l'intérieur, mais pas la peau. Okay? Et ensuite, vous utilisez une cuillère pour enlever les tranches que vous avez tranchées. Donc, dans le fond, avec votre couteau, vous allez avoir fait des fentes, des tranches en prenant seulement l'intérieur et non pas l'extérieur vert, là, on se comprend. Et ensuite, vous prenez votre cuillère pour enlever les tranches et ça va vous donner des genres de petites frites d'avocat. Une façon très simple de le faire. Et on va terminer avec celui-là. C'est une façon très facile de faire des crêpes. On utilise souvent le conseil de prendre un rack à muffins. Ben encore une fois, c'est la même chose. Donc, vous mélangez votre mélange à crêpes, vous versez ça dans votre camomphone environ aux 3/4 de la hauteur et vous mettez ce que vous voulez dessus, par exemple des fruits, des noix, des trucs comme ça. Et vous pouvez les pousser pour qu'ils soient vraiment à l'intérieur de la crêpe. Vous passez ça au four pour 12 minutes à 350 degrés et ça va vous faire des genres de biscuits crêpeux, crêpesques. Si on veut. Ça a l'air vraiment bon sur l'image. Voilà. C'est tout. On termine avec, de la bouffe, encore une fois. Beaucoup de recettes aujourd'hui à retenir. Encore une fois, moi, je répète, ceux avec le pain et le fromage et l'autre avec le pain et le beurre d'arachide autour d'une banane, ce sont mes préférés. Voilà pour instruction d'assemblage. Mathieu Roy qui vient d'arriver. On l'accueille comme un roi, comme toujours. Oh. Alors, le tapis rouge, d'où est-il? Que j'y marche dessus avec un air solennel. C'est pas moi qui décide ces affaires-là, Mathieu Roy. C'est pas moi. Parce que si c'était juste de moi, le tapis rouge, je l'aurais depuis le début. Mais là, à chaque fois, on va en parler. Puis à un moment donné, quelqu'un en position de direction générale pourra peut-être entendre notre message. Mais là-dessus, on a un point, par exemple. Je suis administrateur. Oh, c'est vrai. Fait que dans le fond, c'est toi qui pourrais décider de t'amener un tapis rouge. Toi-même, t'es dans le CA. Tu sais, t'as un pouvoir décisionnel. Oh, mais utilisons-le. Utilisons-le. T'as jusqu'à la avec judisme. Exactement. Pour le bien, non pour le mal. Oui. Alors, Mathieu Roy qui s'en vient pour sa chronique Mathieu Roy-Bajoie, tout à l'heure, chronique humoristique. Tu vois, ça a collé parce que j'ai dit que ça allait coller si ça n'est pas un autre titre. Ouais, c'est bien ça. C'est exactement ça, le cas. On parle de quoi? On va parler de le sarcasme. Oh, sarcasme! Un autre style d'humour noir, on a parlé la semaine passée d'humour noir. Ça peut être un humour noir si tu l'approches de certaines façons. Donc, le sarcasme au retour dans la chronique humoristique de Mathieu Roy. Mais pour l'instant, en musique, on s'en va entendre une de mes pièces préférées du palmarès anglophone. Voici Sleeper Agent et Be Brave. Tout de suite, sur C'est fou. Divine. FOU 89.1, la radio des étudiants de l'UQTR. C'est fou ça! Toujours assemblage requis avec moi-même Mathieu Plante et on l'a accueilli tantôt, Mathieu Roy. Bonjour à vous tous. Est-ce que ça va bien tout le monde? Oh oui, oui, oui, oui! Oh, on sent le son de la foule qui arrive. Oh, wow! Les oiseaux sont les porte-parole de la foule, je pense. Et de la nature également. Hein? Bien sûr. Donc c'est la chronique Mathieu Roy, ma joie. Où on parle d'humour, ouais, c'est ça. Et on a abordé jusqu'à maintenant mon qu'est-ce que l'humour en tant que tel. Ouais, on a fait de l'humour noir la semaine dernière. Mm-hmm. Et maintenant, dans un style qui est quand même très proche, parce qu'il y a beaucoup de comparatifs entre le sarcasme et l'humour noir, ouais. on va attaquer aujourd'hui le sarcasme. Ouais. Et on l'attaque de plein fouet. Tout d'abord avec une définition. Ben oui. C'est sûr que ça va être très, très bien expliqué, ton affaire. T'es tellement intelligent. Oh, des fois, je me flatte l'ego moi-même. J'essaie de faire du sarcasme. Mais le sarcasme provient du grec ancien. Donc, tu utilises le grec ancien en ce moment, Mathieu. Félicitations. Je suis tellement intelligent. Désigne une moquerie ironique, une raillerie, tournant en dérision une personne ou une situation. Il est mordant, souvent même amer et blessant. Oh, blessant. Il peut être considéré comme une forme d'ironie piquante ou belliqueuse. Mm-hmm. Non, c'est ça. C'est la différence entre ironie et sarcasme. Ironie, c'est juste de montrer le contraire de quelque chose. Mais quelque chose de pas méchant. Alors qu'en disant justement, ah, on sait bien, t'es tellement intelligent. Là, c'est une pine, c'est méchant, c'est du sarcasme. Ouais. C'est ce que je comprends. C'est en plein ça. Cool. On dirait que t'as déjà lu ma chronique. Wow. C'est plate parce que je n'ai pas eu le temps de l'écrire. Non, c'est ça. Fait qu'on va arrêter ça là. Hey, c'est fou. Ben, c'est fou, là. Fait que c'est vraiment, dans le fond, t'as volé ma prochaine ligne. Bah! Hey, c'est tellement. Ça m'aide tellement dans ma chronique quand tu fais ça, là. De me devancer de même, là, j'apprécie vraiment beaucoup. Hey, c'est super ce que tu fais avec moi, man. T'es tellement un bon animateur. Ouais. Ouais. Là, je vais me permettre deux comparaisons avec le cynisme et l'humour noir. Okay. Donc, le cynisme relève d'une bravade contre les valeurs, les convenances, les principes de la société. Le sarcasme est plutôt une réaction à une situation plus piquante et amère. OK. Et il se rapproche de l'humour noir, mais plus acerbe. Là où l'humour noir cherche plutôt à faire rire, le sarcasme n'est pas toujours considéré comme une forme d'humour. OK, ah, ça, je savais pas ça. Fait qu'on peut être sarcastique, mais pas nécessairement être drôle. Mm-hmm. Ben ça, on le savait déjà, parce que des fois, j'utilise le sarcasme, pis c'est pas nécessairement drôle. Non, non, t'es toujours drôle, Mathieu Roy, t'es une des personnes les plus drôles que je connais. Oh, est-ce que c'est dit avec sarcasme ou ironie, ça? Je sais plus, là. Ah, telle est la question. On va consulter les oiseaux. Deux quick-quits de suite. Oh, je pense que c'est oui, ça. Je pense que c'est oui. Alors, voilà comment qu'on décrirait brièvement le sarcasme. Bien sûr, j'ai des blagues pour vous. Quelles sont les blagues sarcastiques? Est-ce que ça va être un plus grand succès que la semaine passée? On se rappelle que la semaine passée, c'était vraiment majestueux, très, très drôle. On s'est roulé par terre sans ça. Je te dirais, on va continuer sur la même ligne. Génial. Vive les exemples. Hein? Vive Wikipédia. Oui. Non, c'est pas Wikipédia. Okay. Cette fois-ci, ma source est la bonne fille blogspot.ca. Malade. Une source inépuisable de crédibilité. C'est quand même drôle parce que, genre, dans les onglets, il y a grossesse, avortement, sensibilité du fœtus. L'onglet en dessous, c'est cynisme, ironie, humour noir et sarcasme. Et premier mercredi du bois, le chant des sirènes. Ouais, c'est de la variété. C'est là que j'ai trouvé ça. D'ailleurs, je remercie la bonne fée ou le bonne fée, je sais pas. On c'est. Sait pas trop. Ouais, c'est... Hey, par exemple, tu lisais le menu, là, je t'ai quasiment trouvé un autre nouveau nom de chronique, parce qu'on pourrait changer quasiment tout le temps quand ça adopte, mais là, ça pourrait être genre « nettoyage après cynisme ». Tu sais, cynisme au lieu de sinistre. Celle-là, je la trouve drôle. Ben, merci, je la trouvais correcte. Ben, moi, drôle. Okay. Ben, t'es un bon public. Ben, je suis un bon public d'humour, je l'avoue, mais en même temps... J'aime rire, puis je pense qu'on prend pas assez le temps des fois d'envie de rire. C'est vrai ça. Puis c'est l'humour peut brisé bien des mots dans le monde, selon moi. Tout à fait. Mais s'il y a bien une personne qui devait être portée à rire d'une joke, c'est bien Nelson Mandela en prison. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais je vais te poser une question. Toi, je sais que je coupe ta chronique en faisant ça. Mais toi, mettons, là, tu sais, moi, je trouve qu'en ce moment, depuis le début de l'été, tu sais, il se passe bien des choses dans ma vie. Tu sais, on n'entrera pas dans les détails. Mais je me trouve pas drôle cet été. Et j'ai vraiment de la difficulté à rire en ce moment. On dirait que peu importe ce que je dis de drôle, on dirait que ça me laisse complètement froid et j'ai de la misère à rire. Est-ce que tu penses que c'est normal? Je crois que l'état d'esprit a beaucoup d'influence sur l'humour puis comment qu'on va percevoir l'humour. Mm-hmm. Tu sais, tu peux pas faire abstraction de ton état d'esprit pour pouvoir être enclin. Tu sais, juste au niveau de l'attention, je crois, lorsque tu vis des choses au niveau personnel, tu sais, ta capacité de porter attention à quelque chose, à un geste, est vraiment pas la même. Vraiment. Tu sais, une personne qui... Tu sais, j'aime pas le terme, mais tu sais, on va dire troublé, tu sais, qui vit quelque chose d'émotionnel ou quoi que ce soit, ne peut pas se concentrer à une seule chose de manière... Tu sais, c'est comme... Et là, je vais sûrement irriter quelques personnes qui étudient en psychologie et en psychoéducation, mais tu sais, c'est... Tu peux pas faire abstraction de tout ça, puis ton état d'esprit, les TDAH, les choses comme ça, vont pas percevoir l'humour de la même manière, j'en suis sûr et certain, parce que tu peux pas tout prendre... Tu sais, juste... Tu sais, c'est comme une blague. Tu sais, toi, tu pourrais la rire à cause de la face que je fais pendant que je fais ma blague, tandis que les auditeurs en ondes vont faire, tu sais, dans leur voiture, whatever, vont faire « Wow, c'est vraiment la joke la plus plate au monde que je viens d'entendre. Merci, Mathieu Roy, tu sais. Ouais. » Peut-être c'est ça qu'ils vont se dire. Mais toi, tu vas voir ma face, puis tu sais, tu vas dire « Hey, fuck, c'était drôle en chien, là. » Fait que, selon moi, l'état d'esprit a beaucoup plus d'influence qu'on le pense sur l'humour et la capacité des gens de faire de l'humour en a une aussi. Parce que c'est... Tu sais, tu dois avoir... Tu sais, les gens qui ont un bon humour, surtout comme le tien, tu sais, vraiment jeu de mots, brûle pour point, ouais. Ben, tu sais, t'as besoin d'avoir, tu sais, tout ton esprit qui est capable de s'orienter puis de prendre le bon petit mot puis de savoir le tourner en blague. C'est ça. Fait que, tu sais, tout est... T'es préoccupé à autre chose, ton cerveau est pas 100% concentré sur sa blague, loin. Tu sais, si t'as juste genre 40% de tes cellules qui fonctionnent à trouver des blagues, puis l'autre 60% qui est occupé, mettons, dans tes problèmes quelconques. C'est ça, tu sais, me dire, comment que j'organise ma plate-bande cet été, ben, ta joke sera pas bonne parce que tu vas sûrement plugger le mot fleur dedans. C'est ça, ben oui. Tu sais, tout le monde sait qu'une joke avec des fleurs, c'est pas drôle. Non. Les jokes qui sont drôles, c'est les jokes de. Ouais, les jokes. De fleurs intestinales. Okay. Non, bon. C'est comme je disais, ça va pas très bien. Mais non. Mais l'important, c'est des fois aussi, avec la pratique, c'est comme le vélo. Tu sais, garder ça en pratique. Puis là, tu vas avoir un déclencheur. Puis là, tu vas réatteindre ton niveau d'humour, je suis sûr. Exact. Sauf la boisson. Donc, on parlait de sarcasme. Et t'étais sur le bord de nous sortir des petites phrases là, comme tu casserais un biscuit chinois. Ouais. J'aimerais faire un petit aparté. Ah, c'est le cynisme. Tu sais, comment qu'on distingue le cynisme du sarcasme? Ouais. Relève d'une bravade contre les valeurs, les convenances. Ah non, c'est la même affaire que j'ai lu tantôt. Ben, tu l'avais un petit peu dit. Ben c'est déjà fait. On me confirme en ondes que c'est déjà fait. Et merci à l'auditeur qui nous a appelé pour nous le dire. Parce que c'était un auditeur à ce moment-là qui a appelé. Et la réceptionniste nous a envoyé le message par notre oreillette. Ouais, ouais. Ben, je pensais que c'était un fax. Je sais plus. On se mélange des images. OK. Les phrases dites d'une certaine manière et dans un certain... sont sarcastiques. Ce restaurant est-il aussi spécial qu'il l'annonce? Point d'interrogation. Ouais. Ça, pour être spécial, il est spécial. Ah, ben oui. C'est tout qu'un sarcasme. Ça. Oh! Ouais. On vient juste de rouler à terre. Tout le plancher est nettoyé. On peut dire à cet exo, vous n'avez pas besoin de passer à soir. Tout est propre, c'est... Oh. Oui, c'est ça, comme d'habitude, hein, Sodexo gage de qualité à l'UQTR depuis 1920. Et là, je vais... Surtout que l'université a été fondée en 71. C'est ça, mais ça peut être du sarcasme. OK, là, on va vraiment atteindre le bas fond du baril de la joke de piètre qualité. Bon. T'es prêt? J'ai hâte. Moi, je le sais pas. Sérieux, j'ai honte que ça sorte de ma bouche, presque. T'as pas vu le sel? Point d'interrogation. OK. Et ça, c'est un moteur d'avion? T'as pas vu le sel pour l'interrogation et ça, c'est un moteur d'avion. C'est... Ouais. OK. OK. Hein? OK. Drette dans votre sarcasme, ben vous oui. autres? dans le sarcasque? Ouais. Fait que c'est des jokes d'humour. Puis aujourd'hui, on a une belle contrainte à l'émission. on a un manque d'accès à Internet de la part de l'UQTR. Ah, t'es pas sérieux. Fait que j'ai comme juste trouvé ces jokes-là. Merci la bonne fille de nous mettre des jokes aussi plates. OK, ouais, vraiment, attends un peu, là. Je vais essayer de voir si ça marche mieux sur le mien. Moi, ça fonctionne mieux, OK. J'ai un blog ici, j'ai tapé bonne blague sarcastique. En voici, donc, ils sont supposés être bonnes. Oh! Un enfant reçoit une taloche de la voisine. La mère furieuse va voir la voisine pour avoir des explications. Pourquoi as-tu frappé mon fils? Il m'a traité de grosse. Et penses-tu que le frapper va te faire maigrir? Tel quel, oui, c'est une dépense d'énergie. Ouais, c'est ça. L'électricien entre dans l'unité des soins intensifs d'un hôpital et regarde les patients branchés sur toutes sortes d'appareils. Il dit à voix haute, on respire profondément. Je vais changer un fusible. Aïe, aïe. OK, mais il me semblait que j'avais tapé bonne blague. Mais on dirait plus de l'humour noir. Je pense qu'on va avoir beaucoup de difficultés à distinguer le sarcasme de l'humour noir. Ouais. Parce que déjà dans les descriptifs, les définitions que j'ai trouvées, on s'approchait vraiment de ça. Mm. Puis je te dirais que je suis loin d'être comblé sur la qualité de la blague sarcastique. T'sais. En effet. Ah ouais, j'ai trouvé une page sur WikiHow, on la lira pas au complet, mais c'est comment être sarcastique. Des instructions. Le sarcasme est un outil utile qui peut être développé et utilisé pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Si vous êtes sarcastique au mauvais moment ou avec la mauvaise personne, vous allez sûrement finir par blesser quelqu'un. Tu vois? C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Ouais. Fait que, ben, bref. Donc, l'un des bons humours pour blesser les gens va être le sarcasme. Ouais. Moi, les types de blagues que je te dirais à brûle pour point que je lâchais, qui étaient très sarcastiques, lorsque j'étais plus jeune, car je l'ai été, on faisait toujours des blagues avec les gens en vélo en leur disant que leur chaîne était dégonflée. Puis on riait dû au fait qu'ils checkaient quand même leur chaîne. Moi, j'ai toujours trouvé ça drôle, comme le pneu peut être déraillé aussi. C'est des formes d'humour qu'on pratiquait beaucoup, donc vraiment du sarcasme non intelligent. On a fait ça quelques années. Tu dis ça. Je suis lévisien, on n'a pas grand-chose à faire dans cette banlieue-là. Ouais. Tu le dis genre... Tut. Si tu n'en vois pas d'inconvénient, je te dirais qu'on pourrait passer en musique puis on règle le problème d'Internet pendant ce temps-là. Ça te tente-tu? Hey, ben, j'aimerais ça que ce soit une bonne toune. Je vois, gars. Ben, non, mais vas-y avec le nom. Qui le bosse? Non, j'ai envie de faire jouer une nouvelle pièce de Tokyo Police Club. On est habitué à entendre Miserable d'habitude et même dans la pub des Pomerassi Fous. À la place, je vous propose Hot Tonight tout de suite. Ça, c'est fou! Sister, for me, I'd take her to the park while you were at work. How many kinds of people do you think there really are? For me, enough to fill a room, enough to fill a mall. One sunset falls on the sea. Place and hide from me. I wanna look in all the dark, dark, dark, dark, dark, dark, dark, dark corners. One season, you wait and see. You are not crying. One lover turns into me. You are not. There really is. C'était Tokyo Police Club et Argentina Part 1. Toujours avec Mathieu Roy, en plein dans sa chronique, j'ai dit tantôt nettoyage après cynisme. Je trouve ça meilleur que l'autre. On dirait que j'aime mieux ça. En tout cas, on verra, on va changer une fois de temps en temps. Nettoyage après cynisme, je la trouve pas mal drôle. C'est pas pire. T'sais, c'est sûr que c'est moins adapté aux chroniques où ce sera pas sur le cynisme, mais juste en tant que phrase, c'est drôle, fait qu'on peut la garder pour le fait que c'est drôle. Mais tel quel, j'ai pas encore fait de chronique sur le cynisme. T'sais, fait que ça va être mais ça va la dernière. Oh. Tu pourrais mener vers ça comme un gros build-up. Là, tu mènes vers puis ça. Puis on finit avec le cynisme. Ah ouais, clout. Hein? Ah, voilà. Le marketing. Voilà. Donc, on parlait de sarcasme tantôt. Et là, on est présent avec, je pense, de meilleurs exemples. Oui. Donc, un père rentre chez lui un beau matin de printemps et va voir sa petite fille de 10 ans qui est aveugle de naissance. Ma chérie, tu sais que je rentre dans un congrès de médecins? Eh bien, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Ah bon? C'est quoi ta bonne nouvelle? Dis-moi, mon papa. Eh bien voilà, lors de ce congrès, un confrère nous a montré un nouveau médicament. C'est une pommade qui peut donner la vue aux enfants nés aveugles. Oui, il suffit que je passe un peu de cette pommade sur tes paupières et après 10 minutes, tu pourras ouvrir les yeux et tu verras. Oh papa, le père lui passe alors la pommade et se met à lui expliquer. Tu vas voir ma chérie, c'est une pommade merveilleuse. Et bientôt, tu pourras voir tout le monde qui t'entoure. Tu verras le ciel, le soleil, les petits oiseaux et que tu n'as que pu entendre jusqu'à aujourd'hui. Et tu verras aussi les fleurs qui viennent éclore dans le jardin. Et tu verras les papillons qui dansent dans l'azur. Bref, au bout de 10 minutes de poésie, la petite fille ouvre lentement les yeux et se met à pleurer. « Papa, ça marche pas, je ne vois pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche pas, oh papa? » Poisson d'avril, ma chérie. Ah, là, ça, c'est chien, là. Ouais, ouais, mais tu sais. En même temps. OK, ouais, ouais. Ouais? Ouais, ouais. OK. Savez-vous pourquoi Hitler s'est suicidé? Non. Est-ce que je veux savoir? Parce qu'il a vu sa facture de gaz. Oh! Ouais, ça, c'est. On sait pas quoi répondre à celle-là, plus, hein. Ouais, mais celle-là, c'est comme. Oh! L'autre malaisante, celle-là est comme juste. Ouais. Hop, on a encore droit à la même blague. Ok, ah ben, c'est une deuxième fois, pourquoi pas? Qu'est-ce qui est vert et lorsqu'on l'appuie sur un bouton devient rouge? Qu'est-ce qui est vert, je sais pas. Une grenouille dans un mixeur. Qu'est-ce qui fait noir et qui fait boum boum boum? Je sais pas. Une bonne sœur dans un champ de bine. Oh, wow! Hein, c'est. Ça vole pas. Pour moi, c'était pas trop raciste, là. À moins que ce soit Whoopi Goldberg dans Rock and None. J'ai pas vu cette scène-là. Je pense que c'est une deleted scene sur le DVD où elle se met à péter dans les champs. Ben, je pense que ce serait dans le 2 où elle s'en va à Reno puis elle revient. Ah, peut-être. Bon. Hey, ça fait 8 fois qu'on voit la même joke. Elle est tellement bonne. Là. Tellement ben, la joke bonne. De l'aveugle, puis la fille aveugle, puis le poisson d'avril. OK, OK. Ouais, super beau. Donc, humour, ça... Fait que, ouais, c'est pas mal ce que j'ai... Donc, on passerait au traditionnel segment où on se cote par rapport au sarcasme. Est-ce que tu te considères comme un humoriste? Un humoriste. Ouh, quel beau mot. Merci, langue française, de me faire fourcher ainsi. Vraiment? Donc, ton niveau d'humour par rapport au sarcasme. Mathieu, la question piège, là. Puis tu sais qu'on les prend en note, puis on va faire un classement fin. Mais ça, c'est ça, c'est comme une braquette. 10 étant la valeur la plus élevée, toujours. Je dirais que je suis très, très fort sur le sarcasme, mais d'habitude, je te dirais que j'irais dans le un bon 7-8, là, même 8.5, là, pour pas aller à 9. Là, non, le sarcasme, c'est quand même quelque chose que je fais beaucoup. Ouais, le sarcasme est quand même... Mais c'est difficile à décrire qu'est-ce que le sarcasme, par exemple. Mmh. C'est ça qui est le plus touché par rapport à cette chronique-là. Mmh. Je vais y aller en t'égalant. Je crois que je vais y aller avec un 8.5 également. Good. J'aime bien le sarcasme comme étant une forme d'humour qui va pas nécessairement chercher à faire mal, non. Mais qui va parfois pouvoir faire rire par son... T'sais, mettre un projet sur la glace quand tu parles d'un colisée, moi, je trouve ça drôle. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Des fois, ça peut blesser, mais des fois, c'est que les gens comprennent pas. Encore une fois, on dit à chaque chronique jusqu'à maintenant, les gens comprennent pas tous les styles d'humour. Et des fois, le sarcasme peut mal passer quand la personne va te prendre au premier degré. Fait que c'est touché. Faut que tu y ailles avec les bonnes personnes. Et moi, j'ai même trouvé, en parlant, tu me dis tantôt, qu'on allait scotter. Moi, j'appellerais ça, vu qu'on est frères de prénom, les frères Scott, ce sous-segment-là. Les frères se cotent. Les frères Scott. Ça vient juste de me popper, fait que je voulais la dire. Hey, mais on la garde. Fait que là, on est rendu avec nettoyage après cynisme pour le nom de la chronique c'est complète. Ça. Et ensuite, le dernier segment, c'est les frères Scott. Voilà. Mais pas ce suicide, là, comme les frères Scott. Ouais, ouais. Ben, va falloir plus accentuer, mais voyez notre wall. mais bref, je pense que peut-être que la description n'a pas été la meilleure cette fois-ci. Je me promets de me reprendre puis d'arriver avec un meilleur contenu. On blâme Internet encore une fois. Ouais, Internet, cette chose qui commence par 3W. Depuis quand qu'il y a des choses qui commencent par W que ça fonctionne? C'est ça. William Le Montagne. un wagon. Un wagon. Il n'assume pas que c'est un W. Hein? C'est ça. Non, c'est ça. Hein? Tu dis wagon. Hein? Ouais, ouais. Hein? Ouais, dans moi, un mot qui commence par W qui a vraiment sa place. Qui est en français. Ouais. Parce que sinon, il y avait One Ton. Ouais. Il y avait Girls Just Wanna Have Fun. Il y avait Wario. Oh! La personne des jeux de Mario. Ouais, mais c'est il est méchant, il fit pas. Tu sais, dans le fond, c'est un M inversé, là, puis tout le monde le sait. Mm-hmm. Hein? Il n'y a aucun mot en W en français. Ben, il y en a, mais tu sais, il n'y en a aucun qu'on utilise. Jamais. Tu sais, le seul, c'est Wagon. Mm-hmm. Wawanissa. Ça, c'est le chien qui court dans l'annonce. Non, c'est une compagnie d'assurance. Ah, il faudrait que j'en parle avec plus d'assurance la prochaine fois. C'est comme ça, c'est un sarcasme. C'est ça. Mais vous voyez, ça n'a pas blessé personne. Non. Ben, à part ceux-là qui n'ont pas d'assurance. Mais je pense qu'il y a une suggestion musicale, peut-être. Tu veux que je te fasse ça? Ben, je sais pas, mais ça me semble un petit quelque chose à... J'aurais aimé avoir une chanson qui commence en W, mais j'en ai pas. À la place, je vais y aller avec The Pretty Reckless. On écoute Going to Hell tout de suite. Oh! Oh! Il essaie de vendre des assurances de façon subtile. Yeah.